Bonsoir et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. Alors bon retour déjà parce que ça fait quand même 4 semaines qu'on s'était pas vu après la pause estivale qui s'était la première partie de saison qui s'était conclue en Belgique à Spa-Francorchamps. Le Grand Prix des Pays-Bas a relancé la saison pour les 10 dernières courses qui se disputeront, on reviendra dessus, sur des groupes de courses, un peu plus ou moins. On aura encore une pause en septembre-octobre. Mais un Grand Prix donc, qui a été assez animé sur le week-end globalement. La course elle-même a été un petit peu plus calme, mais on a quand même eu pas mal d'enseignements à tirer de cette course. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un week-end assez chargé aussi hors piste, avec pas mal de décisions. On va bientôt revenir dessus, puisqu'on a quand même quelques petites choses qui se sont passées durant les quatre semaines et depuis le week-end et même après le week-end. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon mois d'août. On est trois pour en parler ce soir, de revenir sur ce Grand Prix. Avec moi, il y a Franck. Ça va, Franck ? Salut, bah écoutez, ça fait très plaisir de tous vous retrouver. C'est vrai qu'on était bien en vacances quand même aussi, hein, faut l'avouer, mais bon, on avait aussi hâte de voir comment la deuxième partie de saison allait se dérouler. Donc pas la mi-saison, puisqu'on a quand même passé le cap de la mi-saison avant les vacances, mais belle reprise effectivement pour la F1 à Zandvoort. Les oranges ont gagné, mais pas les oranges qu'on croyait. C'est ça. Alors vous avez vu, on ne fait pas semblant de ne pas s'être vu pendant 4 semaines avec Franck, puisque Next Gen Auto a continué à tourner quotidiennement. Et Alex, c'est pareil, est-ce que tu as passé un bon mois d'août et comment vas-tu ? Oui, on a passé un bon mois d'août, ça fait bien effectivement d'avoir cette trêve estivale. Il y aura une trêve automnale, hein, puisque cette année, on rappelle, il y a aussi un mois de pause entre le 22 septembre Singapour et le 20 octobre les Austin, mais à la différence de la trêve estivale, cette trêve automnale ne va pas être de tout repos justement pour les équipes qui vont plus que jamais travailler à fond, notamment pour 2025 et 2026. Mais en attendant, on a une fin de saison qui reste toujours palpitante à suivre, puisque je pense que la domination qui a été écrasante de Norris pourrait ne pas se reproduire le week-end prochain, et puisqu'on en parlera, c'est Imola, c'est à peu près l'anti-Zandvoort, donc on a encore beaucoup de joie à vivre, hein, tout au long de la saison, et encore heureux parce que cette saison, elle finit à Noël ou presque. C'est vrai, alors effectivement, je disais tout à l'heure qu'on tirait des enseignements de Grand Prix des Pays-Bas, en fait pas vraiment, hein, même pas du tout, parce que c'était très serré. On sait très bien que la hiérarchie qu'on a vue ce week-end était en partie due au circuit, en partie due aux conditions de piste, en partie due aux conditions météo, et en partie due aux évolutions que les équipes ont amenées. Ça va déjà changer à Monza, on le sait, puisqu'il y aura des évolutions dans certaines équipes, mais on a quand même des choses à tirer de... Oui, tu allais dire quelque chose. Et pour faire la suite de ce qu'on disait, il y a au moins quelqu'un, hein, qui a tiré un enseignement de ce Grand Prix des Pays-Bas, c'est James Vowles. Voilà. Effectivement, alors on va faire une petite entorse au programme de l'émission. Vous savez que normalement on reprend les émissions, enfin les équipes une par une dans l'émission selon le classement dans lequel elles ont terminé au Grand Prix. On va évidemment ce soir commencer par Williams, puisqu'on a eu une grosse nouvelle à 18h, donc il y a un peu moins de 3h, qui est effectivement le licenciement de Logan Sargeant. Alors c'est vrai que on l'avait vu venir plusieurs fois dans la saison, même en l'intersaison dernière, il y avait eu des rumeurs comme quoi Vowles hésitait à s'en débarrasser, il l'avait conservé. Après, il y avait eu l'histoire en Australie où Sargeant avait été écarté pour permettre à Albon de prendre sa voiture, malgré le fait que c'était Albon qui avait cassé sa voiture à lui. Tout ça qui montrait qu'il n'y avait pas un climat de confiance très énorme autour de Sargeant, qui a continué à faire des erreurs au fil de la saison, et qui a fait son erreur fatale samedi matin à Zandvoort, avec un énorme accident dans lequel il a détruit sa Williams SW46, qui comportait un package d'évolution complet, et qu'il a détruite parce qu'il a roulé dans l'herbe, dans des essais libres, sous la pluie. Donc un accident qui était largement évitable et qui n'a pas passé, fait de dégâts pour que James Vowles laisse passer. Donc il a été licencié avec effet immédiat et remplacé, on l'a appris tout à l'heure, par Franco Colapinto, pilote argentin de Formule 2, actuellement 6e du classement, qui est aussi le pilote principal, on va dire, de l'académie Williams actuellement avec Zach O'Sullivan, mais Colapinto a un peu plus quand même d'espoir sur lui, je pense. Et voilà, un choix qui était qu'on n'avait pas trop vu venir, on va pas se mentir. Moi, je pensais plutôt à Mick Schumacher, mais qui a de nouveau été écarté. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi Liam Lawson pourrait y aller, mais lui, il est aussi pilote de la concurrence. Donc, je sais pas vous ce que vous pensez de ce choix. Déjà, le choix de licencier Sargeant et le choix de Colapinto, Alex. Sur le choix de licencier Sargeant, c'est dur, mais c'est justifié, je pense que. C'est ce qu'on peut dire, il a eu sa chance, sa deuxième saison, on n'a pas vu de net progrès. Alors c'est dur parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu la même voiture qu'Albon la plupart des courses au début de l'année, mais il ne pouvait pas le dire. C'est justifié parce que je dirais que c'est moins une question de rythme pur, hein, son éviction, que vraiment le crash avec toutes les évolutions Williams qui a provoqué cette décision assez, assez radical de Jameson, mais voilà, je pense qu'ils avaient aussi des données, etc. à l'intérieur, qu'il avait dû être mis en garde, voilà, au prochain crash, ça va mal faire. Et là, c'était vraiment le pire moment, un crash inutile sur une séance qui n'était pas représentative avec les évolutions. Donc c'est dur, hein, c'était pas, ça reste évidemment un bon pilote, hein, il n'y avait que des bons pilotes, c'était en Formule 1, mais disons que c'est, on peut comprendre, hein, le choix de James Jones. Quant au choix de Colette Pinto, effectivement, hein, je pense qu'on c'était pas le nom, hein, on pensait tous à Mick Schumacher. Avec le recul, c'est vrai que c'est une décision qui peut se comprendre, d'abord parce que sa saison en Formule 2, même si c'est une saison de F2 qui est très peu représentative, on le voit même avec Antonelli et Lehrmann, sa saison de F2 est plutôt correcte, hein, une sixième place je crois et trois podiums, donc c'est en tout cas il a montré assez pour justifier de cela. D'autant que ce n'est pas un choix qui engage William pour l'avenir, hein, puisque le line-up Albon Sainz est déjà verrouillé pour l'an prochain. Et je pense qu'ensuite, Jean Dobbs, il a voulu aussi envoyer un message pour l'avenir, logique pour la filière Williams, hein, parce que pour l'avenir, lorsqu'il y aura un très jeune pilote, je ne sais pas, un futur Antonelli qui sera disponible, eh bien Williams pourra présenter cet argument. Voilà, nous, on donne nos chances aux jeunes, c'est la titularisation de Colapinto. Alors que si ça avait été l'inverse, s'ils étaient allés venir chercher Schumacher, ben voilà, pour attirer un jeune top pilote, entre guillemets, ça aurait été plus difficile. Mmh. Et puis, ils ont dû avoir aussi des données en interne. Il a roulé en essai libre à Silverstone et forcément, il a dû donner satisfaction. Donc, c'est un choix. En fait, c'est des choix qui ont du sens, hein, finalement, avec le recul. C'est des choix qui sont durs, qui peuvent apparaître surprenants. Mais je pense que James Hobbs, bah, il a décidé en manager qui n'hésite pas à décider à trancher dans le vif. Et pour moi, c'est un choix, oui, qui deux choix, hein, finalement, qui apparaissent tout à fait justifiés. Est-ce que quand tu dis trancher dans le vif, tu penses à un autre manager en particulier ou pas spécialement? Un bon manager. Un bon manager. Et toi, Franck, du coup, ton avis et tes impressions là-dessus? Un choix étonnant, hein, clairement, parce que je pense que personne ne l'avait vu vraiment venir. Alors, le fait que Sargent se crache et qu'il soit remplacé avec effet immédiat ou rapidement, on l'avait tous un peu vu venir parce que James Wolff était parti en consultation un peu dans le paddock, notamment auprès de Toto Wolff. Et même du côté de la filière Red Bull, Horner et Marco ont changé un peu de discours par rapport à Lawson, en disant que le hors de question de prêter Lawson est passé à pourquoi pas, s'il peut effectivement apprendre quelque chose, ça peut le servir. Par contre, et c'est peut-être là aussi que ça bloquait de son côté-là, si Red Bull ou RBF1 avaient eu besoin de Lawson en cas de pilote indisponible, il aurait fallu pouvoir le récupérer. Et ça, pour James Wolff, ce n'était pas possible. Ensuite, l'autre option qui était évidemment que tout le monde en quel pensait, c'était Kimi Antonelli aussi, puisque il est maintenant un secret, on en parlera de Mercedes, mais un secret de Polichinelle que Antonelli sera titulaire l'an prochain. Donc tout le monde s'est dit oui, c'est la parfaite occasion pour Wolff de lancer Antonelli dans le grand bain et de le faire apprendre. Voilà, c'est comme aussi quelqu'un qui est très bien connu par Wolff, voilà, qui l'a sélectionné quand même aussi à ses débuts. C'est un choix qui a du sens, sauf que Wolff, Toto Wolff, dès le dimanche soir, a dit non, c'est le programme, rien que le programme, tout le programme, pour répéter des formules bien connues. ça reste donc des essais privés avec des anciennes F1 et la F2. Donc Antonelli chez Williams, c'était mort. Donc est arrivée ensuite la piste Mick Schumacher, évidemment, qui aurait eu. Et qui a eu, je pense, pour beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, beaucoup de sens, en fait. Mmh. C'est un pilote expérimenté qui a quand même fait 2 ans en F1. Williams a quand même besoin de marquer des points. Contre lui, effectivement, bon, bah, y a tout ce qui a été négatif qui a été dit, notamment par Gunther Steiner. Il y a le fait que James Wolff lui-même n'a jamais trop cru en Mick Schumacher. Ça fait quand même plusieurs fois que Mick Schumacher est proposé à Williams et qu'il est refusé. Et là, c'est quand même, je pense, la claque, je ne sais pas définitive, mais en tout cas magistrale pour Mick Schumacher, quand même, pour la suite de sa carrière. Le fait de ne pas être retenu, même si je comprends les arguments de Wolff et aussi d'Alex, du coup, de devoir lancer la filière Williams comme étant une filière d'avenir et pouvoir attirer potentiellement aussi de jeunes pilotes dans le futur. Mais c'est quand même une claque magistrale pour Mick Schumacher, qui aurait quand même pu servir aussi de tremplin, se servir de ça comme tremplin pour pouvoir signer chez Audi. Parce que Audi, c'est le dernier baquet qui reste. Et il est quand même cité chez Audi. Même si ça ferait un duo allemand, c'est quand même pas impossible qu'il s'y retrouve aussi. Là, le fait de se prendre encore une claque magistrale par un autre patron d'équipe, bon, ça devient très très dur. Hein. Bon, certes, Mattia Binotto, qui gère maintenant Audi, on en parlera plus tard, connaît Mick Schumacher et l'apprécie, mais ça donne pas confiance. Donc, Donc voilà, on ne sait pas ce que James Vols avait dans l'idée. Peut-être que le but, ce n'est pas non plus de marquer beaucoup, beaucoup de points sur la fin de saison. Finalement, se satisfaire d'une place pas trop élevée dans les constructeurs, ça leur va aussi très bien. Voir le maximum de temps de développement l'année prochaine pour 2026. On n'oublie pas que gagner des places constructeurs sur la fin de saison, c'est pas forcément, si on n'a pas l'argent en jeu, c'est pas forcément ultra nécessaire, surtout quand on veut avoir le maximum de temps de développement pour l'aéro de 2026. Donc ouais, ça peut y avoir un petit jeu aussi là-dessus, sur le fait que, voilà, et puis voilà, comme disait Alex très bien, laisser sa chance à l'Argentin. Voilà, donc un choix hyper surprenant, je pense, pour beaucoup de monde. À part les Argentins eux-mêmes sur Twitter qui y croyaient vraiment, et bon bah ouais, ils ont eu raison d'y croire, donc il y aura plus de rumeurs dans ce sens que d'autres, donc bah, souhaitons à Colapinto de pouvoir montrer que bah, qu'il peut être au moins au niveau de Sargent, et surtout propre quoi, ouais, qui casse pas des F1, parce que je pense que Williams, tout ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir avancer correctement sans avoir à remplacer des pièces toutes les trois séances ou toutes les deux courses quoi. Bah c'est ça, hein. C'est vrai que Sargent a coûté très cher. En fait, les gens ne se rendent pas trop compte, mais c'est que à chaque fois qu'il casse une voiture et que l'équipe doit refabriquer des pièces pour lui, c'est des pièces qui n'étaient pas prévues initialement et qui ralentissent le travail sur le développement, en fait. Et parce que le développement de nouvelles pièces, ça implique de la fabrication aussi. Fabrication pour être sûr que la pièce tient bien, pour ensuite qu'elle soit testée, etc. Et quand ils sont occupés à reconstruire une voiture toutes les trois semaines, et ben ils n'ont pas le temps, en fait, de faire ça. Donc le temps perdu par Sargent, au-delà de l'argent brut qui est perdu parce que la voiture est cassée, c'est du temps perdu dans le développement. Et ça a déjà été dit plusieurs fois cette année qu'ils avaient perdu et du prix du retard sur les évolutions. Alors c'est vrai que Sargent était souvent mécontent de parler de la même voiture, mais très souvent c'était de sa faute, parce que justement ils avaient perdu du temps sur les évolutions à cause de ces accidents. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Alors après, il y a une question qui est venue dans le chat de Vardohon qui dit c'est quoi le but de mettre Colapinto, il n'y a pas de baquet libre. Et après, donc effectivement, on lui a dit que c'était parce que Albon ou Sainz pouvaient peut-être partir de chez Williams aussi en 2025. Il dit que c'est un aveu de faiblesse, parce que normalement Williams pourrait s'assurer de pouvoir garder ses pilotes que sont Albon et Sainz sur plusieurs années. Mais il faut bien se rendre compte que si des équipes comme Red Bull viennent chercher un Albon ou un Sainz, Williams a beau être en pleine progression, Albon ou Sainz feront le choix de Red Bull. C'est pas une insulte à Williams de dire ça, c'est juste que fatalement ce sera plus avantageux pour eux et plus intéressant à court terme, même moyen terme. Et pour autant, c'est pas pour autant que Williams a un aveu de faiblesse ou quoi. Après, c'est juste qu'ils testent leur académie. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, c'est que ça montre aussi aux jeunes pilotes qui cherchent une académie. Eh ben, moi, si je vais dans l'académie Williams, j'ai le potentiel de rouler en Formule 1. Là où, quand on va dans l'académie Alpine, eh ben, il y en a 1 sur 10 qui roule en Formule 1. Quand tu vas dans l'académie Mercedes, c'est très difficile d'accéder à la Formule 1, etc. Tu as été contacté par l'académie Williams. De quoi ? Tu as été contacté par l'académie Williams. Oui, je serai le prochain pilote Williams. non, mais voilà, c'est vrai que c'est se dire, les pilotes peuvent se dire ça, les jeunes pilotes, et du coup se dire... Eh ben, je vais aller chez Williams plutôt que de se dire je vais aller dans l'académie Audi ou l'académie McLaren ou autre, parce que c'est vrai que par exemple McLaren c'est beaucoup plus bouché à long terme, parce que les deux pilotes sont très jeunes et sont là pour de nombreuses années. L'académie Andretti est pas mal aussi, il paraît. À ce qui paraît, si tu veux. Bon, une ils ont pas d'équipe derrière. En Indy Next et puis en IndyCar après. Sinon, c'est un petit peu compliqué pour la Formule 1. Une question très intéressante de Warius aussi, qu'il faudrait répondre sur les points de super licence. Je sais pas si tu as la réponse, Manu. Alors pour moi, c'est juste que, est-ce que tu comptes sur 3 ans ? J'ai pas fait gaffe tout à l'heure le calcul, mais est-ce que tu comptes sur 3 ans, Warius ? Parce que maintenant, c'est 4 ans les points de super licence. Ouais, et il faut rajouter un point par séance d'essai libre disputée aussi, et peut-être même pour les tests jeunes pilotes. Et je crois qu'ils les avaient fait l'an dernier. Donc, pas sûr. Ça, c'est ce que j'allais répondre. Non, c'est ça. On a dit ses 40 points, pas beaucoup plus, mais il les a grâce à tout ça. Ouais. 4 ans, ouais, effectivement, maintenant. C'est 4 ans depuis le Covid, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué pour les pilotes de garder... Enfin, il y avait beaucoup de paramètres qui rentraient en compte dans le recrutement des pilotes par les équipes de F3, F2, notamment. Dans les tailles, c'est 5 points en 2020 pour le Toyota Series, 12 points en Formula Regional Europa Cup en 2020, 2021, 5 points pour la Formula Regional Europe, 2023, c'est 15 points pour avoir terminé 4e en Formule 3, 1 point pour avoir les essais libres 1 à Silverstone, et 2 points... pour avoir fait une saison de F3 sans pénalité l'an dernier, et il arrive à 40 points. Voilà. Tout juste. Tout juste. Et Harry Ford qui dit, alors qu'accessoirement, Williams a viré un pilote de son académie, mais le pilote viré, il a fait un an et demi de carnage, il faut bien se rendre compte de ça. Sargent, il n'y a pas eu de progrès énorme en termes de performance, et il n'y a pas eu de progrès énorme en termes de laisser la voiture sur la piste. Et il faut bien se rendre compte que l'an dernier, j'ai refait un peu le calcul, mais il casse, enfin, l'an dernier, cette année, il a cassé une quinzaine de voitures, je crois, au total. C'est fou. Enfin, il faut bien se rendre compte que pour une équipe, et surtout pour une équipe comme Williams, qui a besoin de cet argent pour faire plein d'autres trucs, c'est énorme. Il a besoin d'argent ou de Sargent? Non, juste pour Sargent reste quand même pilote Williams. Il reste, voilà, Williams a précisé dans des posts sur les réseaux sociaux qu'il restait quand même dans le giron Williams, qu'il pourrait soutenir dans sa carrière ailleurs. Donc c'est peut-être certainement aux États-Unis ou autre. Je pense qu'un pilote Williams d'Orilton en IndyCar, par exemple, ça pourrait tout à fait avoir du sens. Donc si effectivement Williams cherche un peu à étendre son emprise en termes de pilote, le garder dans le giron pour ça. Mais en tout cas, il reste pour l'instant chez Williams, mais il n'est pas. Il n'est pas viré totalement de chez Williams. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Après, dans Beau Diablo, c'est un peu compliqué à chiffrer, parce que quand je dis 15 voitures, ce n'est pas les voitures complètes. Mais à chaque fois, il y a un demi-train avant, il y a un aileron arrière, un diffuseur, une boîte de vitesse et tout ça. Et c'est des choses qui coûtent, qui s'ajoutent. Et ça fait des... enfin, ouais, je pense que le coût est énorme sur un an et demi, hein, honnêtement. Parce que d'où on disait l'an dernier. Hein, ouais, faut compter ça en pourcentage d'investissement de Dorilton. C'est fait. Ça, exactement. Et encore une fois, le temps perdu dans le développement, qui fait perdre du temps dans les résultats, qui fait perdre du temps dans les retours financiers, parce que une équipe, plus elle va terminer en devant les autres équipes au championnat, et on se rappelle que Williams a terminé 7e l'an dernier et aujourd'hui est 9e, et bah c'est quasiment 20 millions de perdus sur les retours de finances, donc c'est énorme en fait. Je réponds juste à Sobright and Delicate. Pourquoi ne pas reprendre Latifi? Alors, Latifi, petit coup, il reviendra au Grand Prix d'Abu Dhabi quand Norris et Verstappen sont à égalité de points. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, il y aura un spécial showdown avec un retour de Michael Masi aussi à la direction de course. Ça promet. Voilà, donc non, mais Latifi, après, c'était. Au Latifi, on s'en est beaucoup moqué, mais au final, il cassait beaucoup moins de voitures que Sargent, par exemple. Et y compris ses premières années. Là, il a dû casser les au professeur à Harvard, je pense qu'il est toujours. Mais c'est possible. Il est toujours en train de faire des études, je crois, mais parce qu'on n'a pas de nouvelles, effectivement. Donc, oui, c'est vrai, mais je pense qu'il est toujours en études. Mais lui, de toute façon, la course auto, c'est un peu fini. Oui, la grande famille Latifi, comme très grand businessman, donc il n'a pas de soucis à se faire pour son avenir financier, vous inquiétez pas. Non. Mais très gentil au demeurant. Moi, j'avais plusieurs fois d'interview, c'était vraiment quelqu'un de très sympa. Et on n'a pas fini avec Williams, puisqu'il y a aussi eu. Alors, Williams a vécu un week-end vraiment, vraiment pourri. Puisque la seule éclaircie, on va dire, était samedi après-midi, la qualification d'Alex Albon en 8e position, qui s'est été ensuite transformé en déluge absolu, puisque il a été disqualifié pour un plancher trop large. Alors, ils ont dit à la FIA qu'ils ne réfutaient pas les données de la FIA, mais qu'eux n'avaient pas les mêmes. Et là, aujourd'hui, le principe, c'est de comprendre pourquoi ils n'ont pas les mêmes chiffres que la FIA, Franck. Oui, alors en fait, c'est maintenant les surfaces et les volumes sont tellement complexes qu'en fait, ils ont tous des scanners laser en fait. Hein. C'est les petits scanners que vous pouvez voir notamment le jeudi lors des phases de montage dans les garages et puis parfois le vendredi matin aussi et aussi pendant les phases de modification des géométries et des réglages. Donc c'est des lasers en fait qui scannent complètement la voiture et qui sont capables d'être extrêmement précis. Après, le problème c'est qu'on n'a pas le différentiel, ça n'a pas été communiqué, c'est-à-dire effectivement, il y a une différence sur un volume au niveau du plancher, mais on ne sait pas à quel est le niveau de s'appelle ça discrepancy en anglais, voilà, quelle est la tolérance qui a été dépassée. On ne sait pas à quel niveau. Si ça se trouve, c'est un millimètre, c'est un demi-millimètre. Il s'agit peut-être de choses extrêmement infimes, d'ailleurs qui ont pu être corrigées sur place. Hein. Donc je pense vraiment que c'est une histoire de quelques micros, quelques pouillèmes de cheveux, voilà, pour pas donner de mesures. Donc puisque les planchers ont été corrigés sur place et ont été rescannés par la FIA et ont été jugés conformes. Donc voilà, il y a une petite différence quelque part. Est-ce que c'est un problème de scanner? Est-ce que c'est un problème de logiciel? Est-ce que le logiciel de Williams qui est censé vérifier les volumes était le plus à jour possible de toutes les dimensions respectées? Voilà. En tout cas, il y a une série d'analyses qui est lancée. C'est James Vols qui l'a annoncé. Voilà, savoir pourquoi il y a effectivement cette petite différence avec la FIA. Et évidemment, il faut se calibrer sur les outils de la FIA. Donc, si la FIA dit c'est noir et c'est pas blanc, ben, faut que votre outil de mesure vous dise aussi à vous que c'est noir et pas blanc. Donc voilà. Ben voilà, on ne sait pas quelle est l'ampleur de la Je ne vais pas parler de triche, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas de la triche. C'est effectivement... C'est voilà, très probablement une erreur de calibrage, hein, de toute façon. Voilà, une erreur de calibrage ou une erreur de logiciel voilà, par rapport à un volume donné, par rapport à un endroit donné sur le plancher. Certainement, voilà, de quelques millimètres au grand maximum, puisque ça a pu être corrigé sur place. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de grave, mais la loi est la loi. Et un millimètre en dehors des clous, c'est la disqualification. Quoi. Même si ça n'apporte rien du tout, même si au pire, c'était peut-être pénalisant, on ne sait pas. Hein. Mais c'est comme le poids en moins. Vous êtes 10 grammes sous le poids, c'est disqualification. Ce qui est arrivé à Rostel, c'était 1,5 kg, mais à Spa. Mais même si vous êtes à 10 grammes sous le poids à la fin du Grand Prix, c'est disqualification aussi. Quoi. Il n'y a même pas de marge de tolérance là-dessus. Quoi. Et on rappelle que c'est justement un des gros avantages du règlement technique, c'est qu'au moins, c'est clair et net. C'est-à-dire que c'est oui ou non, c'est blanc ou noir, c'est 1 ou 0, comme vous voulez. Mais il n'y a pas d'interprétation. Et moi, je trouve ça assez rassurant quand même. Et Sobra et Indelicate dit pas rassurant pour Sainz, je suppose. Non, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste une erreur de calibrage. Même pas sur les deux voitures. Enfin, en même temps, le plancher de Sargent à la fin de la journée de samedi était sûrement moins large que prévu. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, c'est pas. Il y a aucun problème. Ça arrive à tout le monde. On l'a vu avec Mercedes à Spa. C'est pas un drame. Il n'y a rien de catastrophique. C'est juste une erreur d'outil, probablement. C'est même très rassurant parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que c'est la fin de 2022. On a des surfaces tellement complexes qu'ils en sont arrivés. Voilà, avant, ils mesuraient ce genre de choses avec des mètres, avec des outils, des calibres qu'ils arrivaient, avec des formes prédéfinies. L'aileron avant devait pouvoir rentrer dans une box. Voilà, si l'aileron rentrait pas dans la box, c'est qu'il était ou trop large ou trop haut ou autre chose. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est vraiment des mesures extrêmement précises sur toute la voiture. Donc en fait, tout le règlement technique de la F1 est envoyé sous forme de code, évidemment, interprétable par la machine, et qui est chargé de mesurer toutes les surfaces utilisables et toutes les surfaces interdites. Et voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait, les équipes peuvent tricher sur quasiment plus rien, quoi. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, ce règlement, il est respecté, mais sur toutes les surfaces partout, quoi. Alors qu'avant, c'était juste des mesures voilà, de largeur, de hauteur, de poids. Quelques volumes ici ou là un peu voilà et après maintenant c'est des zones qui sont vraiment très, très précises et avec ces scanners là vous êtes capable d'y aller je crois que c'est au dixième ou voire même centième de millimètre et ce sont exactement les mêmes lasers qu'ont scanner que la FIA et les équipes ont donc ça doit être une histoire de logiciel ou peut-être peut-être simplement une histoire de production voilà même si à la production c'était passé par les scanners de la FIA par les scanners de Williams ça n'a pas passé les scanners de la FIA donc il y a vraiment une raison quelque part qu'on saura c'est peut-être à Monza dans le débriefing de jeudi. Après, si on veut un peu choquer on peut dire que le week-end était très positif pour Williams parce que finalement si on voit à long terme leurs évolutions et ils apportaient un paquet d'évolutions un nouveau plancher, nouveau diffuseur nouvelle entrée d'air et le capot moteur. Tout ça, ça a permis à Albon de faire, alors bien sûr, les difficultés, etc., mais de faire un huitième temps, c'est quand même une perf énorme pour Williams cette année. Donc, si on voit finalement hein, le tableau d'ensemble à plus long terme, avec toutes ces évolutions-là, Williams prouve qu'elle est capable d'apporter des évolutions qui fonctionnent avec une voiture qui commence aussi à perdre du poids. Donc, voilà, c'est paradoxalement pour un peu choquer qu'on pourrait dire que ce week-end était une excellente nouvelle pour Williams. Puis la plus grosse évolution étant quand même le changement de l'interface volant-baquet dans la deuxième voiture. Qui est et ils ont encore de la marge parce que la voiture ne sera pas au poids. Oui, clairement, ils sont au-dessus du poids. Il y a des choses qui vont arriver. Donc oui, très encourageant pour Williams, effectivement. Même si ce circuit de Zandvoort reste quand même extrêmement particulier. Monza le sera encore plus. Attendons de voir comme sur quelques courses pour voir la nature réelle de l'efficacité des évolutions de Williams. Voilà, et je rappelle donc effectivement encore une fois qu'un pilote qui casse des voitures, c'est ce qui fait qu'ils perdent du temps dans le développement et qu'encore une fois, s'ils n'avaient pas eu toutes ces voitures-là ou toutes ces pièces à reconstruire, à refabriquer, des fois ils ont fabriqué des pièces qui n'étaient plus utilisées parce que c'était l'ancien package mais qu'ils n'avaient pas encore la possibilité de fabriquer les nouvelles de manière un peu plus importante et ils ont fabriqué pour une course des pièces juste parce que Sargent les avait cassées, et bien c'est toujours ça qu'ils ont perdu en temps pour faire perdre du poids à la voiture. Donc. Ouais, la décision de séparer Sargent, c'est vraiment. Le timing paraît bizarre parce que c'est entre deux courses et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut aussi prendre des décisions. Et c'est aussi le travail de James Vowles de dire maintenant, ça suffit. Du coup, on va passer à McLaren. Alors, je fais juste une petite parenthèse. J'en profite pour remercier Joki et Hervé Rallycross qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, évidemment, pour nous soutenir, puisqu'en plus, on va avoir plusieurs séries de courses. Donc. Vous ne vous abonnerez pas pour rien, on va avoir plusieurs émissions dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et merci également à MGEMC2 et à Anto09 qui ont marqué des messages pour la première fois dans le chat. Donc voilà, on va passer à McLaren qui a donc remporté ce Grand Prix des Pays-Bas, la troisième victoire de l'équipe cette année, la deuxième de Lando Norris, qui signe au passage son premier hat-trick, donc pole, victoire et meilleur tour en course, puisqu'il a fait le meilleur tour en course avec des pneus durs qui avaient 42 tours à la fin, dans la dernière boucle de la course. Oscar Piastri termine quatrième, il avait l'opportunité de terminer troisième ou deuxième si McLaren n'avait pas fait un arrêt un peu trop tardif, on y reviendra. Il s'était qualifié premier et troisième respectivement. Norris a fait la pole avec plus de 3 dixièmes d'avance. Les deux ont raté leur départ. Ça aussi, c'est un sujet qui commence à poser quelques questions chez McLaren. Mais une grosse domination, quand même, globalement, de la part de Lando Norris tout le long du week-end. Et une victoire à la Verstappen, un petit peu devant Verstappen, mais surtout à la Verstappen, Alex. Alors, sur le départ, il y a la stade de Norris qui est quand même assez dingue. C'est qu'il a pris 6 départs en première place, donc 4 pôles Grand Prix, 2 pôles sprint. Et les 6 fois, il a perdu la tête de la course. Dans le premier tour. Donc effectivement, ça doit porter, hein, ça doit porter interrogation. Bah, et pour la victoire de Norris, bah, c'était une victoire à la Verstappen. C'était même le plus gros écart de la saison. Même Verstappen cette année en début d'année n'avait pas mis un si gros écart sur la concurrence dans un week-end où McLaren amenait également beaucoup d'évolutions. Donc c'est vraiment un week-end, hein, qui n'a que du positif pour Norris. Hein. On l'a vu qu'il n'était pas inquiet même après avoir été dépassé par Verstappen, il a fait un travail monstre, régulier avec ce dernier tour, hein, vraiment en dur, hein, c'était vraiment un peu comme Hamilton ou Verstappen à la grande époque, il faisait ce dernier tour en dur, meilleur tour pour écœurer la concurrence. Voilà, la McLaren, c'était clairement la voiture absolument dominatrice, hein, en tout cas Norris, c'était le nouveau Verstappen sur ce grand. Alors, c'est vrai que je laisse la parole au Frère. Le départ a quand même été raté aussi par des gens qui étaient derrière eux sur la trajectoire propre, ce qui m'a un peu surpris. On a vu quand même 5 pilotes sur la trajectoire propre perdre des places. Franck, toi, ton point de vue sur McLaren et sur la domination de Norris pour cette course et ce week-end? Ah, c'est un peu frustrant, presque, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu une domination de Red Bull au tout début de la saison, et peut-être qu'on va se diriger vers une domination de McLaren sur la fin de l'année. Il n'y aura pas eu de croisement, en fait, et de match vraiment en piste. Et finalement, ça pourrait juste se jouer sur la fin de la saison. Mais voilà. Norris et McLaren ont donné le ton en qualif, surtout. Un gros écart, quand même, sur le tour qualif. Et Norris, même s'il a effectivement perdu le bénéfice de la pole position dans le premier virage, il est resté extrêmement patient. Il a vu qu'effectivement Verstappen n'arrivait pas à s'échapper en tête. Il a saisi sa chance à un bout d'un moment, il est passé, il a montré effectivement que le rythme de course aussi était de son côté. Donc là, pour tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur le fait que Red Bull avait des difficultés, là, moi, c'est clair et net, il y en a, et pas qu'un peu. D'ailleurs, ils sont même revenus à des packages de tout début d'année pour histoire de comprendre pourquoi ils sont perdus. Et pour l'instant, ils vont peut-être avoir des réponses après ce Grand Prix-là en décortiquant les 72 tours des deux pilotes, parce qu'ils n'avaient pas exactement les mêmes configurations. D'ailleurs, celle de Perez était un peu plus facile en rythme de course que celle de Verstappen, donc à voir effectivement ce que les deux pilotes utilisaient. McLaren a fait une. Enfin, Norris a fait une super course, McLaren a fait une super course aussi. Pour en venir sur la question sur les départs qu'on a dans le chat, c'est à qui ça revient, à qui revient la faute? C'est un peu tout pour l'instant, d'après André Stella. Il y a effectivement peut-être des problèmes du côté des pilotes, mais c'est plutôt, je pense, aussi une question de calibrage aussi de la cartographie moteur. Voilà, c'est pas mal de choses à travailler, hein. Les départs, c'est quand même compliqué. À zone de vente, on les travaille ensuite beaucoup moins, en plus, parce qu'on pouvait les travailler que sur la grille de départ, parce qu'il n'y a pas de départ possible à la sortie des stands sur ce circuit. Donc ça n'aidait pas aussi, du coup, les pilotes McLaren à forcément trouver les meilleurs réglages. Donc si déjà les départs sont problématiques avec la cartographie d'embrayage, de moteur qu'ils ont, c'est encore moins facile à régler sur un circuit où vous pouvez le faire qu'après les séances d'essai libre. Et encore, on se rappelle qu'il y a quand même eu beaucoup de pluie ce week-end, donc c'était pas non plus évident de bien tout tester. Donc, écoutez, non, ça nous a fait un dépassement en piste, ça nous a fait des choses un peu sympas aussi. Donc c'est voilà. Si McLaren se met à dominer, est-ce que Norris a le potentiel? Voilà. Autant de championnat constructeur, autant vous dire tout de suite, championnat constructeur, pour moi, sur le rythme actuel, McLaren le remporte. Pour moi aussi. J'ai pas de. Ouais, bah, moi qui ai une inversion de performance chez Red Bull, mais. Ouais, mais c'est ça me paraît mal barré, parce que les évolutions de la MCL 38 semblent bien marcher d'entrée de jeu. D'ailleurs, chaque fois que McLaren apporte des évolutions, et c'est pas des petites évolutions par-ci par-là, c'est des gros packages. Hein. Ouais. Autriche l'an dernier, c'était ensuite Singapour, je crois. Et Silverstone aussi, ils avaient fait un gros package Autriche-Singapour. Après, c'était. Ouais, sur trois courses. Ouais. Ouais, et après, c'était effectivement Singapour, je crois. Et après, et même là, en début de saison, cette ils ont année, c'était Miami. Ouais, après, c'était Miami, et là, seulement maintenant. Et à chaque fois, ça vise juste. En tout cas, ça donne l'impression de viser juste. Ce n'est qu'un seul Grand Prix, donc nous en portons pas. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de donner toute satisfaction. Donc, McLaren championnat constructeur, oui. Même si Perez, on en parlera, est revenu un petit peu plus en forme que d'habitude. Pour combien de temps? Ça reste une sixième place. C'est quand même pas ouf. Donc McLaren championnat constructeur, oui, j'y crois totalement. Même si derrière ça va se piquer des points entre Red Bull, entre Mercedes, entre Ferrari, McLaren s'il garde ce niveau deux ans de vorte et que Piastri hausse un poil, même si Piastri reste comme ça, ça suffit. Je pense que là ils peuvent... Par contre, Norris joue le championnat pilote. Peut-être qu'on reparlera de ces 7 points en Hongrie à un moment ou à un autre. Mais on pourra aussi parler des 10 points que Verstappen lui prend en le mettant dehors en Autriche, par contre, si on fait ça. Aussi, il y a pas mal de choses, mais ça va être très tendu. Oui. Évidemment, s'il y a un abandon du côté de Red Bull et Max Verstappen, ça pourrait quand même aider un peu plus la cause de Norris. Ça va quand même rester assez tendu parce que. Il faudrait que Norris vraiment gagne toutes les courses, que Verstappen soit deuxième à toutes les courses pour que voilà, vous savez, ça s'équilibre un petit peu. Voilà. Mais il y a Mercedes, il y a Ferrari, il va y avoir des inversions de performance, de forme. Ferrari va être certainement beaucoup plus dans le jeu à Singapour et à Monza. Ça va être compliqué hein, pour Norris de taper des 7 ou 8 points par week-end de course à Verstappen. Mais par exemple, Verstappen peut avoir aussi des faiblesses comme à Singapour. Donc, ça peut arriver aussi, mais il n'y aura pas tant que ça, je pense. Ouais. Donc ça va se jouer à point par point. D'ailleurs, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le point du meilleur tour en fin de course avec des pneus extrêmement usés, comme tu l'as rappelé Manu. Donc, on va avoir un super fin de championnat, soyons clairs. Ça, et puis voilà, à force de râler sur le fait qu'il y a trop de courses, voilà, s'il y avait 32 courses, au moins Norris aurait pu rattraper Hamilton. On te l'a suivi tout seul, le championnat. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça promet d'être intéressant parce qu'en plus, Red Bull avait fondé des gros espoirs sur son évolution de l'Autriche, de la Hongrie, pardon. Ça n'est pas arrivé, c'était pas aussi bon que prévu. On a vu ce week-end, c'était le packaging donc pour les circulants, là, sans le canon cooling qui fonctionne pas si bien que ça. Et finalement, on se rend compte que eux derrière n'ont pas prévu énormément de packages suivants. En tout cas, ils ont dit que pour la saison, c'était pas le principal. Ils voulaient encore faire des packages pour 2025, mais qu'ils auraient peut-être pas autant d'évolution que les autres. Et au final, ils en ont moins puisqu'ils ont le handicap de développement. Et on peut s'inquiéter pour eux de se dire, est-ce que si Red Bull par contre continue dans cette direction là, est-ce qu'ils vont pas se retrouver quatrième force du plateau? Et si McLaren continue d'être plus devant, même si des fois de temps en temps on voit Ferrari ou Mercedes passer devant, les écarts se creuseront plus vite, il ne sera pas du 8 points ou 7 points par week-end. Ouais, depuis 5 courses, ils reprennent à peu près 10 points en moyenne, hein, et il reste 7 courses, donc voilà, il faut faire 9 courses, ouais. Ouais, 9 courses, donc voilà. Plus les sprints, plus 2-3 sprints, ouais. Ouais, mais les sprints, je les compte pas trop parce que la différence de points entre premier, deuxième, troisième est assez moindre. Il faudrait juste voilà, une cata en sprint pour qu'une course sprint marque vraiment au championnat. Si ça fait des courses normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait que des 1 point ou des 2 points grappillés ici ou là. Ça compte, hein, je dis pas que ça compte pas. Je dis juste que ça compte moins qu'une première, deuxième place où il y a 7 points d'écart. Verstappen peut se sortir, je sais pas, au premier tour d'un sprint. Et là, ça. Non, après, on a vu 2021, final, chaque point compte. Donc, oui, il faudra rien lâcher. Et pour moi, la position aussi de Stella par rapport aux consignes d'équipe, et je vais te laisser en parler, Alex, parce que c'est lui qui a traité l'article. Et pour moi, est devenue la mauvaise position, parce que là, ça y est, clairement, avec une McLaren qui domine, un Norris qui est quand même clairement plus en forme que Piastri, il faut le dire. Nettement. Il y a une chance de titre constructeur, c'est clair. Il y a surtout une chance de titre pilote. Et pour moi, il y a pas de. Voilà. Piastri a eu sa première victoire. Il doit savoir s'effacer maintenant pour Norris. Voilà, Alex. C'est pas du tout ce qu'a dit Stella. Donc Stella n'est pas du tout sur cette ligne. Hein. Ouais, c'est on peut dire, on reste sur la même ligne, savoir qu'il a dit clairement hein, une équipe qui dirait que voilà ceci, lui c'est le pilote numéro un et le deuxième pilote de suivre. Eh bien, ça c'est pas une équipe saine. C'est les mots qu'il a employés Stella parce que voilà après il dit toutes les faveurs sont accordées au pilote numéro un. Ce n'est pas une façon saine de gérer une équipe et dira il faut vraiment aussi embarquer Oscar. Il faut qu'Oscar se sente pas déconsidéré dans l'équipe et le seul moment où il dit, ben voilà, on pourrait examiner des consignes d'équipe, ça sera vraiment 50-50, et là, à la limite, on pourrait penser. Mais d'ailleurs, il n'exclut pas non plus aussi de donner des consignes en faveur de Piastri si jamais l'opportunité se présente. Donc, chez McLaren, on préfère clairement, disons, l'équité à l'efficacité, quoi. Si on devait résumer, c'est vraiment l'équipe et pas le pilote. Et voilà, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de cet apprentissage nécessaire de McLaren, hein, pour lutter pour des victoires, pour lutter comme des titres, pour lutter pour des titres, d'être un peu plus impitoyable et d'avoir un pilote numéro 1, c'est un numéro 2, donc c'est la question qu'on peut se poser, hein, et surtout les déclarations qu'a pu faire exister là, bah forcément, on les ressortira le jour où il y aura vraiment un pilote numéro 1 et numéro 2. J'ai l'impression qu'il faut que ça vienne de Piastri. Oui, ben, c'est un peu ça, et c'est un peu ce que dit Taylor, je pense, sur la fin. C'est un peu en concertation avec Piastri. Et vu que 2025 sera à peu près un copier-coller de la fin de 2024, Piastri aura toutes ses chances du coup Ouais. en 2025. Donc autant effectivement aider Norris au maximum à avoir ce titre-là, si c'est possible effectivement. Hein, voilà, si voilà, prochain Grand Prix, Verstappen nous met un 25-0 à Norris, que Norris aura abandonné ou choses comme ça, là ce sera beaucoup plus dur effectivement. Maintenant, si Norris gagne le prochain Grand Prix et que Piastri fait deuxième ou Ferrari prend des points à Verstappen, il n'y a aucun problème à faire un all-in sur Norris. Je crois que tout le monde comprendrait, Piastri aussi. Ouais. Et après, c'est rebelote en 2025, on remet les cartes à zéro. Et si McLaren repart avec une F1 aussi forte qu'on l'a actuellement, il n'y a rien de garanti, hein, puisque voilà, on attend aussi de voir Mercedes, voir s'ils ont compris aussi ce qui n'allait pas. Parce que si Mercedes a compris ce qui n'allait pas à Zandvoort, on peut peut-être aussi compter sur Mercedes pour choper quelques victoires en fin d'année. Attention à ça aussi. Donc voilà, personne, à part la maman de Piastri, ne tiendra rigueur à Andrea Stella de choisir Norris en numéro 1. C'est ça. Et c'est vrai que, bon, après, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on dirait que Stella a du mal à vouloir se mettre Piastri à dos, entre guillemets. Mais, et puis, ouais, comme le dit Harry Ford, de toute façon, ils réapprennent à gagner, à lutter pour les championnats. C'est vrai qu'il le dit souvent, on fait des erreurs, on doit prendre des décisions qu'on n'est pas habitué à prendre, là où Red Bull et Mercedes le font depuis 10-15 ans, voire plus. Et c'est vrai que, Et on voit que. celle-là semble tellement évidente à prendre, on comprend Ouais, pas. c'est ça, c'est ça. Mais c'est quand même assez souvent que ce soit sur les stratégies ou des choses comme ça, les décisions les plus évidentes de l'extérieur, des fois, quand ils sont à l'intérieur, ils ne les prennent pas du tout. Enfin, là, typiquement, et j'allais rebondir là-dessus, la stratégie de Piastri, elle est incompréhensible pour moi. Ils ont voulu allonger un peu son relais parce qu'ils avaient peur, j'imagine, de la dégradation des pneus, mais ils l'ont beaucoup trop allongé et il a perdu un temps fou qui le fait ressortir beaucoup trop loin et lui fait perdre, déjà qu'il perd du temps au départ, puisqu'il se fait passer par Russell, qui ensuite est beaucoup plus lent que le duo de tête. Derrière, il perd encore plus de temps en ressortant loin de son arrêt parce que McLaren l'a laissé en piste. Alors j'imagine que c'était vraiment pour des questions d'usure des pneus, parce qu'on a vu que chez Mercedes, les pneus ont été usés beaucoup trop vite et que Russell a dû faire un deuxième arrêt qui n'était pas avantageux, là où Hamilton a eu le sien qui était gratuit puisqu'il avait plus de 25 secondes d'avance sur les pilotes qui le précédaient. Mais effectivement, c'est un peu étonnant de voir ce genre de stratégies qui sont appliquées et qui sont perdantes quasi évidemment, quoi. Ouais, on n'a pas compris. Ouais. Mais surtout que ouais, je dis, tiens, ils attendent une sécurité, une voiture de sécurité, ils font vraiment une overcut, mais si c'est pour juste quelques tours après, ça ne sert à rien. Surtout sur un circuit où la position de piste compte autant. Je pense qu'ils étaient toujours un petit peu presque dans le déni, le fait qu'ils n'étaient pas dans une bonne position en piste. C'est Ouais. assez curieux. Alors j'ai deux questions du chat à répondre. Harry Ford dit, c'est le dernier titre constructeur de McLaren remonte à 98, je crois. Non, absolument. C'était puisque 99 c'est Ferrari qui le gagne et 2008 c'est également Ferrari et c'était les deux derniers titres pilotes de McLaren. Et Étoile Polaire dit, je vous comprends pas pour ce coup car à 7 courses, donc déjà c'est 9 courses plus 2 sprints, c'est du fantasme de penser que Norris va tout gagner au vu de la majorité des courses de l'année. Mais il a pas besoin de tout gagner pour être champion, c'est ça le truc. Il y a courses, tellement 3 sprints. 3. 3 sprints. Donc il y a tellement de. Oui, donc ça fait quasiment l'équivalent de 10 courses à un point près. Ça fait 10 courses, donc ça fait quasiment 250 points à distribuer. Et il en a 75 70 de retard. Donc c'est vraiment. Il n'a pas besoin de tout gagner. Et s'il finit par exemple deuxième régulièrement, premier régulièrement, troisième régulièrement, et que pendant ce temps-là, les autres équipes que sont Mercedes et Ferrari s'intercalent entre lui et Verstappen et qu'il lui reprend des points à coup de 10, 12, 15 points, et ben en fait il va être derrière assez vite. Et donc. C'est pas du tout du fantasme, enfin c'est du fantasme de penser qu'il va tout gagner, mais c'est pas du fantasme de penser qu'il va être champion parce qu'il n'a pas du tout besoin de tout gagner. Techniquement, il peut revenir assez vite sur Verstappen, sachant que Verstappen n'est pas à l'abri d'une erreur. On a vu qu'il prend des risques des fois inconsidérés et que des fois il a un petit peu, je sais plus qui en parlait tout à l'heure dans le chat, mais qu'il a un petit peu l'esprit tendu. On a vu ça en Hongrie et ce week-end encore, on en reparlera tout à l'heure, il a fait une connerie. Et au final, c'est pas un fantasme de penser que Norris peut remonter rapidement. Donc, ouais. Il y a 250 points à prendre, exactement. C'est-à-dire 9 fois 25 points, plus 9 points de meilleur tour, plus 3 fois 8. Oui, j'ai oublié meilleur tour en plus. Donc ça fait 200, voilà, 70 points sur 258. Certes, ça fait un bel écart. Comme disait Horner d'ailleurs, presque défaitiste, en disant heureusement qu'ils ont dominé le début de saison et heureusement que McLaren et Norris n'ont pas maximisé leurs opportunités avant. Parce qu'effectivement, leur position serait bien plus délicate actuellement. Quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, on pourra parler de ces fameux 7 points en Hongrie. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais on pourra parler d'autres points qui ont été perdus. Mais... Oui, Étoile polaire, Verstappen est pas loin. Et oui, ça fait 70 points et les autres équipes gagnent aussi. Mais depuis que McLaren s'est mis à gagner, les seuls qui ont gagné, c'est Mercedes. Enfin, il y a eu une victoire de Ferrari à Monaco qui était assez circonstancielle pour le coup, parce que la voiture fonctionnait très bien. Depuis, ils sont en galère. On a vu ensuite Mercedes gagner 3 courses. Mais c'est pas impossible d'imaginer avec les évolutions qu'on a l'air quand même bien meilleur chez McLaren que chez Mercedes, que McLaren sera beaucoup plus en position de gagner, de faire des podiums et du coup de marquer beaucoup plus de points. Et 70 points, c'est énorme, mais encore une fois, il en reste quand même entre 3 et 4 fois plus à distribuer au vainqueur, celui qui, enfin, potentiellement au maximum. Quoi. Un abandon ou une très mauvaise course pour Max, c'est totalement relancé. Ouais. Un abandon ou une mauvaise course pour Norris, par contre, c'est fortement compliqué les choses. Exactement, Norris n'a plus le droit à l'erreur. Ça, c'est... On en est à ce niveau-là. Donc, du coup, effectivement, c'est là qu'on ne comprend pas non plus la position de Stella, ouais, qui ne pas favoriser tout le maximum de points possible même pour Norris. Ce qui rendra très très beau ce titre de Verstappen. Mais et de toute façon, l'étoile polaire, on peut en reparler avant dans 5 courses, parce qu'en fait, on en reparlera au fur et à mesure de comment ça évolue. C'est ce que vient de dire Franck. C'est que si Verstappen, par exemple, ils font un 25-0 à Singapour, parce que Verstappen n'est pas du tout sur circuit, et que McLaren gagne, et ben dans ces cas-là, il y aura quasiment l'équivalent de 2 victoires d'écart avec encore 6 courses à disputer. Donc là, ce sera vraiment relancé. Par exemple, si ce week-end à Monza, Norris a un abandon sur panne mécanique et que Verstappen termine deuxième ou premier, bah là, on pourra considérer qu'avec 90 points, c'est réglé. Donc en fait, c'est pour ça, il n'y a pas besoin d'en reparler dans 5 courses spécifiquement, on va en parler tous les week-ends parce que la situation évolue de semaine en semaine. Et comme on le disait, chez McLaren, le gros désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont plus du tout le droit à l'erreur du côté de Norris. Mais pour l'instant, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, puisqu'on commente le présent, on a déjà vu des remontées pires. Encore une fois, en 2007, il y a 20 points à distribuer sur les deux dernières courses. Raikkonen a 17 points de retard sur 2 pilotes et il arrive à gagner. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas comment va se passer la suite de la saison. C'est des courses compliquées qui arrivent. Il y a Singapour, il y a Bakou, il y a Mexico qui est une course assez particulière, il y a Austin qui est un circuit compliqué, il y a Abu Dhabi qui peut toujours apporter des surprises, il y a Las Vegas qui est un grand prix urbain. Donc il y a beaucoup de courses qui peuvent très bien se passer ou très mal se passer pour les deux camps. Et ça reste quand même très ouvert, comme le dit Vardon, c'est pas simple mais pas impossible, mais ça reste ouvert en tout cas. Et on peut aussi avoir un super Piastri qui peut nous faire des doublés aussi et prendre des points importants vers Verstappen aussi. Hein. C'est un 25-18 pour McLaren, ça nous fait que un 15 possible pour Verstappen. Et donc ça fait 10 points de repris par Grand Prix au lieu de 7 ou 8. Ah oui. Et tu demandes à partir de ce moment-là pourquoi défavoriser un bon pilote comme Piastri, parce qu'il a énormément de points de retard au championnat. Lui, pour le coup, il ne peut pas remonter comme Norris sur Verstappen. C'est ça le truc. Le fait qu'il ait eu sa première victoire, pour moi, c'est important aussi. Oui. C'est fait, il l'a. Il ne peut pas jouer plus que ça cette année. Et puis, il ne faut pas oublier que Norris a fini par jouer le jeu de l'équipe, même s'il a fait au bout d'un moment, il a quand même joué le jeu de l'équipe et ça peut compter. Oui, c'est vrai aussi. Mais là, actuellement, attends, je reprends exactement le classement parce que je ne l'avais pas sous les yeux. Mais Norris a 225 points. 70 points d'écart. Ouais. Piastri en a 179. Donc lui, il a 50 points, enfin 46 points de plus à récupérer par rapport à Norris. Et là, pour le coup, c'est mission impossible pour aller chercher Verstappen, en fait. Parce que la cible, c'est Verstappen, c'est pas les pilotes McLaren entre eux. Donc oui, pour l'instant, c'est après, encore une fois, c'est une mission qui va à moi. Pour moi, j'y crois pas. Si on me demande mon avis subjectif au fond de moi, j'y crois pas. Mais dans l'état actuel des choses et dans l'évolution de la saison, on se rappelle de la marge énorme qu'avait Red Bull en début de saison. On se rappelle des batailles serrées avec un petit avantage Red Bull à l'époque d'Imola et de l'Espagne et tout ça. On se rappelle des batailles serrées ensuite avec un petit avantage McLaren. Et aujourd'hui, on est dans une situation où McLaren a quand même un gros avantage. Donc on voit quand même que le chemin de la saison penche vers une domination McLaren et du coup pourquoi pas, en fait c'est la question qui se pose, donc voilà. Et après peut-être que 7 points sacrifiés pour Piastri en Hongrie, ça sera des 7 points qui seront très bien rendu à chaque course qui va venir maintenant, quand Piastri devra s'effacer pour Norris. Donc, peut-être un prêté pour plein de rendus. Donc, c'est ça. On va voir comment McLaren gère tout ça. Mais encore une fois, moi, de mon avis personnel, et je pense que c'est partagé par beaucoup, beaucoup de gens, personne ne s'offusquerait à voir Piastri s'effacer pour que Norris maximise ses résultats. Pour une deuxième ou troisième place, sans aucun problème. Et pour une victoire, évidemment, c'est toujours plus délicat. Mais je pense qu'il le ferait aussi. Je pense aussi. Et c'est vrai que, comme le dit Lambo Diablo, Piastri, c'est sa deuxième année. On oublie qu'il est presque rookie. Et lui, il n'aura sûrement pas les épaules. Déjà qu'on ne sait pas si Lando Norris les a. Mais lui, on ne les a pas. Lui, on est sûr qu'il ne les a pas. Parce qu'il a quand même beaucoup de points à encore régler en termes d'expérience. Et c'est totalement normal. Et oui, effectivement, ça a été écrit partout dans les articles s'il gagne tout. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est s'il lui reprend 8 points par course, en moyenne, il est champion. Donc. C'est vrai que c'est, encore une fois, c'est pas impossible, mais bon, ça reste compliqué. Mais au moins, on se rend compte que là où on pensait après 5-6 courses que cette saison n'aurait aucun intérêt, et ben finalement, on se rend compte qu'il y a un intérêt aux deux championnats, et c'est plutôt une très bonne surprise. Je rappelle que Mercedes s'est fourvoyé ce week-end, mais ils ont une voiture qui est capable de gagner. McLaren a maintenant une voiture qui est capable de gagner partout aussi. Donc ça pourrait bien. Ferrari reçoit des évolutions à Monza aussi importantes. Après, sans compter sur Ferrari, parce que pour l'instant, c'est un peu l'inconnu, mais ça fait peut-être Red Bull troisième force du plateau sur pas mal de courses qui peuvent venir. Donc rien n'est impossible pour Norris. Je ne parle pas pour McLaren, parce que pour moi, McLaren, s'ils ne font pas de bêtises sur cette lancée-là, ils doivent pouvoir avoir un titre constructeur. Oui, voilà. Ça oui. Et il ne faut pas oublier que Red Bull, encore une fois, là, on parle de Red Bull de Verstappen, parce que derrière, c'est plus compliqué. C'est aussi pour ça que le classement constructeur est vraiment en faveur de McLaren, parce que faut pas oublier l'énorme travail de Verstappen pour sauver les meubles chaque week-end. Il est toujours là, pour le coup, un énorme bravo à lui, parce que quelles que soient les conditions, et d'ailleurs on va peut-être pouvoir passer maintenant à Red Bull, j'en profite pour faire une transition fluide, avec la deuxième place de Max Verstappen et la sixième de Sergio Perez. Et encore une fois, Verstappen assure le maximum à chaque fois, comme quasiment tous les week-ends, dès qu'il le peut, il assure le maximum. Et c'est ce qui fait qu'il est la garantie, l'assurance vie de Red Bull pour l'instant au championnat pilote. Et c'est ce qui fait que le championnat constructeur n'a pas d'assurance vie parce qu'il est tout seul. Même si Perez la marque des points, mais il en marque pas énormément non plus. 8 points, c'est peu. Red Bull, ça a été compliqué globalement. Hein, on en revient à ce qu'on disait. Mais je pense qu'en plus, sur un circuit où Verstappen venait d'enfiler les victoires les trois saisons précédentes, je pense que c'est un des plus gros désaveux pour la Red Bull et pour l'équipe globalement d'ailleurs. Mais surtout, ce qui est, donc, on a déjà dit, mais c'est vraiment le fait choquant. Ils sont revenus, je crois, au plancher de Bahreïn sur la voiture de Verstappen. Et voilà, ça prouve vraiment qu'ils sont vraiment, perdus et que quand on n'avance plus en Formule 1, on recule. Donc voilà, c'était le maximum possible vraiment pour Verstappen. Hein, et encore, il n'aurait pas dû mener la course. Mais voilà, c'est. Alors on peut toujours se demander voilà, s'il avait eu ce fond plat de Perez qui lui apparemment était 1-2 dixièmes plus rapide, où aurait-il fini? Je pense qu'il aurait quand même perdu la course, mais avec un moins d'écart. Mais effectivement, c'est assez inquiétant de voir voir que Red Bull n'a pas résolu tous ses soucis. Hein, on savait qu'ils avaient eu les tests entre guillemets secrets, enfin pas du tout secrets, à Imola, je crois, le test de Verstappen, parce qu'ils étaient aussi perdus en comparant les vieilles voitures et même la Red Bull d'il y a 2 ans. Donc voilà, Red Bull, on ne pensait pas le dire au début d'année, mais Red Bull semble vraiment se perdre en développement et n'est plus la voiture dominante. Hein. En revanche, oui, Verstappen, c'est pour ça que je dis que son troisième titre, là, hein, ça pourrait être finalement presque le plus beau, hein, parce qu'il serait allé chercher vraiment tous les points. Quatrième. Tous les points forceps. Ça, c'est quatrième. J'en connais un qui compte pas 2021. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ça va, ça serait vraiment peut-être un de ses plus beaux, hein, pour cette résilience-là. Le plus beau, ça aurait été une bataille tout au long de la saison, un coup à toi, un coup à moi, un peu comme avec Hamilton en 2021. C'est vrai que là, on a une inversion assez abrupte, des tendances entre Red Bull et McLaren. Et effectivement, Jos Verstappen, d'ailleurs, a tapé du poing sur la table là, en disant clairement que chez Red Bull, il fallait un peu se secouer, se regarder droit dans le miroir et puis se dire voilà, que franchement, ça va. Parce qu'en revenir sur des pièces de début de saison, eh bien, ouais, c'est quelque chose qui leur était pas du tout arrivé depuis le début de cette ère d'aéro. On a l'impression qu'ils tombent un petit peu dans les travers de Mercedes. Alors, ils n'ont pas voulu qualifier leur RB20 de diva, mais on va pas en être loin parce que peut-être qu'ils n'en comprennent plus dans la manière de la faire évoluer. Mais ils n'y arrivent pas non plus en termes de réglage, ils n'y arrivent pas en termes d'équilibre aussi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche d'abord à Verstappen dans toutes ses interviews d'avant week-end, le jeudi, le vendredi. Il parle bien de trouver le bon équilibre, parce que c'est avec ça, lui, qu'il est capable de faire la différence après en course, d'attaquer, d'avoir de pouvoir gérer ses pneus surtout. Voilà, parce que là, l'équilibre est tellement mauvais que ses pneus, il les tue en très peu de temps. Donc il résiste au début à Norris, mais il sait très bien qu'il les tue, je vais peut-être perdre deux fois plus vite, mais au moins 10 ou 15% plus vite que ceux de Norris. Et Norris, au bout d'un moment, il dit bon, c'est le moment d'y aller, j'attaque, je prends un peu d'avance, et puis ensuite je décide ma stratégie sur l'undercut, ou même s'il me fait l'undercut, je peux répondre. Et il prend une échappée belle très très rapide, hein, une fois qu'il l'a dépassé. Donc, la Red Bull, elle est un peu en panne de développement, et il nous manque quelqu'un dans l'équation. C'est un certain Adrian Newey, qui ne travaille plus du tout sur cette voiture depuis avril, je crois, à peu près. Oui. C'est à peu près à ce moment-là qu'il a décidé de se retirer de l'équipe technique. Et alors après, évidemment, tout le monde va faire le lien de cause à effet entre Newey qui est parti et qui n'est plus, et Vacher qui est aux commandes et qui n'y arrive pas. Les conclusions sont vite tirées en Formule 1. Donc voilà. Je pense aussi que le championnat constructeur, ils ont bien compris qu'il était en train de leur échapper. Je crois que Zandvoort, avec les évolutions de la McLaren, ça leur a mis un bon petit coup moral. Je pense que du coup, ne pas avoir sacrifié Pérez entre guillemets pour rien, parce qu'on sait très bien que Pérez, c'est quand même un statut un peu particulier. Il y a pas mal de politique aussi derrière lui. C'est quand même assez souvent répété. Et ça a même encore été bien dit à la télé française pendant ce Grand Prix. Je sais que Manu suit la F1 pas sur Canal, mais sur une autre chaîne, sur F1 TV. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur tous les appuis politiques de Pérez. Et finalement, c'est vrai que quiconque vous mettez d'autre à la place de Pérez, vous ne sauverez pas le championnat constructeur, clairement. Donc du coup, pourquoi sacrifier le soldat Pérez, puisque de toute façon, aucun pilote miracle ne pourrait permettre à Red Bull d'avoir ces deux pilotes très proches l'un de l'autre en termes de résultats et contrer McLaren. Donc voilà, c'est un peu effectivement, tout repose en gros hein, sur le département technique de Milton Keynes. La solution, elle est là. Elle n'est pas dans le camp de Verstappen, parce que Verstappen, il fait le maximum. Pérez, on sait ce qu'il vaut et ce qu'il fait. Et il est un petit peu remonté ce week-end. Et voilà. Mais voilà, et c'est pour ça que Horner en vient à dire que heureusement qu'il y a eu ce début de saison-là pour Verstappen. Heureusement que Norris et McLaren n'ont pas maximisé leurs opportunités sur la première partie de saison pour avoir ce matelas qui est pas ultra confortable, mais quand même assez confortable pour aborder les 9 dernières courses. Quoi. C'est ça. Et après, pour le débat, départ de Newey et Vacher qui reste le maître à bord, il faut bien se rendre compte que du coup, lui récupère un projet technique qui a été porté par une autre personne, ou en tout cas mené sur le plan du design par une autre personne. Et c'est sûr que c'est très compliqué de reprendre ça et de devoir maintenant faire du travail avec son équipe qui avait été avant celui d'Adrian Newey, en tout cas au niveau du... Ils avaient beaucoup expliqué comment il fonctionnait, et en fait Newey faisait beaucoup de pré-travail pour les dessins de pièces, pour les dessins de trucs comme ça, qui faisait que derrière il y avait une direction très précise pour l'équipe au moment de lancer les pièces en conception, de lancer les tests en conception par ordinateur, en soufflerie, etc. Et là aujourd'hui, ils doivent eux se charger cette étape, et c'est la première fois depuis la création de Red Bull quasiment, donc en tout cas depuis que l'équipe technique est ce qu'elle est, parce que Newey était là avant, donc c'est un très gros changement. Et ça, de toute façon, l'impact du départ de Newey, on l'avait plus prévu pour l'an prochain et surtout pour 2026. Rappelons-nous que l'an prochain, il va aussi falloir créer une toute nouvelle voiture sans Adrian Newey, mais clairement, l'impact de Newey, on l'avait prévenu, on a beaucoup parlé cet hiver quand ça a été annoncé. Et effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que quand tu perds le meilleur ingénieur de la F1, tu perds les meilleures ingénieries que tu peux avoir sur ta voiture. Son cerveau n'est pas plafonnable, lui. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce boulot de pré-développement qu'il est capable de faire dans son cerveau, qui n'est pas limitable, hein, clairement, qui fait gagner tellement de temps après derrière en conception et en validation, c'est autant d'itérations à éviter, autant de temps de gagner. Et évidemment, ce cerveau-là n'est plus là pour ça. Et comme c'est un génie de l'aérodynamique et qui comprend tous les phénomènes dans sa tête ou avec une table à dessin au pire, c'est vraiment une perte énorme pour Red Bull et un gain énorme. Je ne suis pas étonné de voir des chiffres de 100 millions de dollars qui sont avancés que par quelques sources, hein, pas par tout le monde. 100 millions de dollars pour 4 ans ou pour 3 ans pour Newey chez Aston Martin. Je veux dire, si vous payez un super ordinateur pour 25 millions par saison, un super ordinateur qui peut tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un petit peu ça. Hein. Mm. Il est considéré comme ça, et à juste titre. Et en plus, c'est le déroulement de la saison est en train de le prouver, en quelque sorte. Mm. Donc voilà. Encore une fois, les voitures qu'il a conçues, c'est plus de 20 titres au total en pilote constructeur, et c'est 200 victoires. Donc. C'est pas n'importe qui, et il est bien le dénominateur commun à tous ces succès qu'on a vu chez Williams, qu'on a vu chez McLaren, qu'on a vu chez Red Bull. C'est vraiment le dénominateur commun, et c'est à chaque fois grâce à des idées à lui, grâce à des choses. Enfin, il faut lire son autobiographie où il parle beaucoup des voitures qu'il a conçues et des risques qu'il a pris sur le plan mécanique et tout ça. Comment? Même chez Leighton House, il a fait les meilleurs, les beaux jours de Leighton House qui n'étaient pas nombreux, c'était grâce à lui. Donc voilà, il y a ça. Il y avait deux questions auxquelles je voulais répondre. La première, c'est est-ce que Red Bull ne serait pas en train de lâcher 2024, travailler pour la suite de Mambo Diablo? La suite, c'est une voiture similaire l'an prochain, et c'est un tout nouveau règlement sur lequel ils sont encore très peu autorisés à travailler. Donc malheureusement, actuellement, la priorité, c'est justement de faire le plus de progrès possible pour fin 2024, début 2025, avec des voitures qui seront les mêmes, ou quasiment, pour ensuite avoir la possibilité en 2025 de travailler le moins possible sur la voiture actuelle et travailler le maximum sur 2026. Donc là, malheureusement, le retard qu'ils prennent aujourd'hui, ils le prennent aussi pour le 2025, quoi qu'il arrive. Et l'autre question, c'était Harry Ford qui disait Pierre Vacher a admis que l'équipe avait atteint un plafond de développement avec la RB20. Oui, et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'ils ont justement refait le concept. Ils ont dit on va s'éloigner de la RB18, RB19, parce qu'on a peur d'être trop en haut trop proche du plafond de développement. On va changer le concept et aller de manière plus agressive et avoir plus de marge de progression, en se disant on va faire un pas en arrière pour ensuite progresser. Et ils se rendent compte qu'ils sont déjà dans un mur, alors que la voiture n'a pas progressé, et finalement qu'elle a progressé par rapport à la 19, mais pas autant que prévu. Donc ouais. C'est là, la situation est compliquée pour Red Bull. Et moi, je vais répondre sur la partie ambiance, parce qu'effectivement, vous avez Jos Verstappen qui continue à taper taper en coulisses sur Christian Horner. Clairement, ils n'aiment pas ces deux-là. Pendant les vacances, parce qu'on n'a pas fait d'émission de Grand Prix pendant les vacances, il y a quand même eu le petit communiqué qui passait vraiment le 8 août, hein, je crois. Donc tout le monde était en train de roupiller à la plage. Les usines étaient fermées. L'appel en interne de l'employé qui a été rejeté. Donc évidemment, passer ça en plein milieu des vacances quand vous avez 90% des journalistes F1 qui ont coupé, qui font que passer des choses préécrites ou préprogrammées. On je vous rassure, on avait une bonne partie qui était aussi préécrite, mais on avait quand même le show aussi, hein, qui tombait, mais on avait aussi pris de l'avance. Hein, voilà, je reste transparent là-dessus aussi, mais il y a quand même pas mal de journalistes F1 qui sont éloignés. Et du coup, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Mmh. Voilà. Donc en gros, seul rebondissement possible maintenant, c'est que l'employé en question décide d'aller plus loin. Donc ça veut dire saisir la justice anglaise et aller au pénal. Là, après, ça sera une autre histoire pour Horner, mais en attendant, ça s'est éteint comme ça en plein milieu de l'été. Et puis, quand même, vous avez un Jonathan Bickley qui avait prévenu qu'il ne signerait pas son contrat s'il avait une opportunité d'aller diriger une équipe quelque part. Et il se retrouvera à être le numéro 1 bis, numéro 2, on ne sait pas encore trop comment, c'est un peu foutu chez Audi, de Mattia Binotto, et dirigera au jour le jour l'équipe de course sur les Grands Prix à partir de 2025 et surtout 2026. Donc vous avez quand même beaucoup de gros cerveaux qui partent de chez Red Bull. Il y a déjà eu Rob Marshall, il y a eu Dan Fallows, il y a Adrian Newey, il y a Jonathan Whitley, il y a quand même énormément de gens qui s'en vont. Et d'ailleurs, ça, Jos Verstappen en a parlé spécifiquement dans ses derniers coups de sang après les Pays-Bas. C'est ça, et forcément, c'est un peu lié à cette histoire. Je dis pas que c'est uniquement lié à cette histoire, mais il y a Jonathan Whitley qui peut se trouver un poste de directeur d'équipe ailleurs plutôt que de continuer à être le numéro 2 de Christian Horner. Je pense que le choix a été vite fait par rapport à ce qui risque peut-être de tomber sur le coin de la figure de Christian Horner dans le futur si ça va plus loin en justice. Ouais, il y a une impression de fin de cycle. Hein. Complètement, c'est ce que j'allais dire. Et parce qu'en fait, ils ont plus Verstappen. Ils m'ont plus Verstappen. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça, parce que finalement, ils perdent aussi tout plein d'ingénieurs et d'employés qu'on ne connaît pas nommément, mais qui sont des gens très importants dans la conception des voitures et tout, qui partent aussi. Et c'est ce qu'avait. Oui, pour en embarquer pas mal avec lui, c'est ce qu'il se dit. Donc. Et c'est ce qu'avait déploré Toto Wolff quand il avait dit, mais on perd en. Quand ils étaient en difficulté en 2022, il avait dit, on a du mal aussi à rebondir parce qu'on a perdu beaucoup de monde. Mais c'est le principe, c'est la rançon de la gloire, littéralement, en Formule 1, c'est que. Plus tu as du succès, plus ton équipe va se faire dépouiller. Alors ça peut aller des pilotes au directeur en passant par les techniciens, ingénieurs et tout ça. Mais dans tous les cas, une équipe qui fonctionne, elle va attirer, des recrutements depuis ses rangs. Et c'est aussi savoir se réinventer. Et Mercedes l'a par exemple fait, si Mercedes a dominé sur autant d'années, c'est parce que eux avaient anticipé le coup, et quand ils perdaient un employé, il y avait déjà quelqu'un derrière qui était formé pour reprendre le poste. Et ils l'ont fait beaucoup de fois, ça, parce qu'ils n'ont pas perdu les grands noms pendant les années de domination, mais ils ont perdu plein d'ingénieurs qui n'ont jamais laissé de vide. Et Red Bull perd rapidement son truc, peut-être parce qu'eux n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant de départs et aussi importants. Donc voilà, c'est assez compliqué. Enfin, j'avais oublié Peter Prodromou dans le lot. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça pour Red Bull, c'est qu'ils vont garder Verstappen au moins un an de plus. Parce qu'on a appris quand même pendant ce week-end qu'il y a eu des petites tractations entre Toto Wolff et le camp Verstappen. Alors est-ce qu'avec Max directement, je sais pas, mais en tout cas Toto a parlé de Vermeulen, de Yos. Vermeulen c'est le manager de Max, de Yos et de Max. Donc peut-être que les trois étaient, en tout cas Max était certainement dans la boucle aussi, parce qu'il n'a pas parlé en direct à Toto. Et d'ailleurs Max n'en veut absolument pas à Toto de parler de lui en tant que possibilité. Hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça, en gros il n'est pas en train de dire maintenant tais-toi Toto, j'ai décidé de rester jusqu'en fin 2028. Il dit non, moi ça me dérange pas que Toto parle de moi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Donc du coup bah voilà, donc Max restera au moins une année de plus chez Red Bull, et vu la tournure de la fin de saison, ça sera pas une année facile pour lui en 2025 clairement. Mais c'est la bonne nouvelle pour Christian Horner et Red Bull pour l'instant. C'est après, ça, c'est la stabilité dont ils ont besoin en plus, parce qu'aujourd'hui c'est quand même, du coup maintenant qu'il n'y a plus New Way, Max Verstappen est le gros point fort de Red Bull, hein. C'est pas le gros point fort de Red Bull, c'est pas ailleurs qu'il est, donc pour eux, plus ils le garderont, mieux ce sera, mais c'est sûr que ça va être de plus en plus compliqué. Et avec le gros règlement qui arrive et le département technique qui est perdu, le motoriste qui change et tout, 2026, c'est vraiment pas étonnant que ce serait pas étonnant que Verstappen aille ailleurs en tout cas. Juste, je reprécise les choses parce que dans le chat, je vois qu'il y a des échanges là-dessus. Il y a eu deux enquêtes pour l'affaire Horner, deux enquêtes internes. Il y a eu une première enquête diligentée par Red Bull Autriche, donc une entité différente de l'équipe Red Bull. Un avocat externe, en plus, voilà, indépendant, qui a classé, le premier avocat a classé sans suite la plainte de la victime. Il y a eu une autre enquête en appel, elle aussi toujours en interne, donc il n'y a absolument aucun paramètre de justice pour l'instant. Maintenant, tout cela n'est resté qu'au sein du giron Red Bull pour l'instant. Et elle aussi classée sans suite, je l'ai dit, le 8 août, donc le rejet de l'appel le 8 août, en plein milieu de la pause estivale, qui est passé un petit peu voilà, comme une lettre à la poste. Merci, au revoir. Non, la suite possible, si la victime effectivement porte plainte donc devant un tribunal, donc devant des instances extérieures à Red Bull, c'est la seule suite qui lui reste possible si elle a envie d'aller plus loin. Après, il peut aussi très bien y avoir un accord à l'amiable pour pas aller à ce niveau-là, c'est-à-dire un accord clairement sonnant et trébuchant. Hein. On parlait déjà d'un dédommagement proposé à hauteur de $1 million quasiment, c'était au mois de mars qui a été rejeté. On peut imaginer que maintenant que la partie appel interne est épuisée et qu'elle peut aller au tribunal en extérieur, on pourra peut-être plus parler de 3, 4, 5 millions de dollars si on veut commencer à pouvoir discuter de tout ça. Donc voilà, ça va être un peu le jeu du chat et de la souris entre cette victime, savoir ce qu'elle veut, effectivement, par rapport à Horner, si elle veut sa tête absolument ou si elle est prête à se contenter d'un gros dédommagement. C'est ça. Et Horner n'a pas été innocenté par la justice. Et non, elle ne veut pas vouloir sa tête, elle veut juste vouloir la justice, hein, simplement, si elle s'estime lésée dans cette affaire. Oui, bien sûr, mais bon, ça coûterait quand même la tête à Horner aussi, clairement. Comme dans toute entreprise touchée par un scandale actuellement, sauf Red Bull. Voilà. C'est ça, je suis même pas sûr que selon comment ça finit, je suis même pas sûr que ça lui coûterait sa place, mais bon. On en parlera si ça arrive. Dans tous les cas, on en parlera quand on aura des nouvelles comment ça va évoluer. Là on rentre dans des temps très longs, hein, les temps de la justice, ouais. Là, c'est des mois pour pas dire des années. Des années, ouais, donc rendez-vous dans 2026 ou 2027. On va parler de Ferrari qui a connu un week-end alors un petit peu atypique, on va dire, puisque les qualifications ont été très compliquées. Leclerc s'est qualifié 6e, Sainz n'a pas passé la Q2, et au miracle, en course, tout s'est bien passé. Leclerc monte sur le podium après une course discrète, mais ultra solide, et Sainz fait une belle remontée jusqu'à la 5e place. Donc pour marquer des points inattendus, un podium, enfin voilà, c'était... eux-mêmes n'ont pas compris, hein, les trois, que ce soit les trois interviews après la course, que ce soit Leclerc, Sainz ou Vasseur, c'était... On ne sait pas pourquoi on est là, mais on est content d'y être. Et on peut le comprendre parce que c'est vrai que ça a été une vraie surprise de voir une Ferrari revivre entre... Alors, ils ont quand même dit que En qualification, ils avaient un problème pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Encore une fois, on en vient toujours avec, au fait que la F1 moderne repose beaucoup sur les conditions d'exploitation de la monoplace au moment où elle doit être le plus rapide. Et que c'est quand une voiture est mieux réglée pour la course, c'est plus facile de la mettre sur une fenêtre de fonctionnement plus globale sur un long relais qu'un fonctionnement assez fermé sur un tour spécifique où la voiture doit être dans une condition parfaite avec des pneus à température parfaite, etc. Le fait est que on a souvent des courses, enfin des équipes qui ont des différences de performance le samedi et le dimanche, mais c'est rarement à ce point-là où là on a une voiture qui potentiellement se fait éliminer en Q2 le samedi et finit potentiellement sur le podium le dimanche. Donc c'est quand même un week-end littéralement en deux parties pour Ferrari et Franck. Ah oui, on est quasiment de presque, bon, pas de la seconde, mais pas loin, hein, 7-8 dixièmes, je crois, sur la qualif, à des tours finalement en moyenne qui sont à un dixième, quoi. Un dixième, après, de dixième, oui. Je me permets la petite nuance, c'est qu'en Q2, il est éliminé à moins de 5 dixièmes, Sainz, oui. Quand même. Mais bon, après, le gros du. Le tarif, c'est ça, après, à la fin. C'est effectivement par rapport à Norris, c'est costaud. Hein. Bon, après, Verstappen aussi a pris 3 dixièmes aussi par rapport à Verstappen. Mais quand même, ça, c'était rare de voir un tel. Voilà, parce qu'on était au niveau de Albon. Hein. Albon était 8e et il était dans les temps des Ferrari. Donc, ouais. C'est pour vous dire l'écart qu'ils sont pris sur la qualif, effectivement, on s'est dit waouh. On savait que Ferrari n'avait pas d'évolution sur ce Grand Prix-là, elles arriveront à Monza, mais on se dit quand même, la pause estivale, elle a été rude là quand même. la SF24, elle a rouillé dans un garage, on n'a pas trop compris. Non, mais effectivement, c'est comme tu le dis, c'est toute une histoire. Après, voilà, les conditions de température, voilà, tout ça, c'était vraiment pas évident de cibler juste sur ce Grand Prix-là. En tout cas, sur un tour rapide. Par contre, en rythme de course, effectivement, bah, la Ferrari était là au niveau habituel, et même plus proche que ce qu'on attendait. Leclerc cherche d'ailleurs toujours à comprendre pourquoi. Donc, voilà, donc il faut qu'il comprenne pourquoi. Pourquoi, effectivement. C'est surtout pourquoi ils n'ont pas réussi à mettre la voiture dans les bonnes conditions en qualif. Parce qu'après, la course, c'était plus conforme à ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est toujours les 1 ou 2 dixièmes que Vasseur aime bien trimballer de post-course en post-course d'année en année. C'est à chaque fois, c'est 1 dixième, 2 dixième. Mais trouvez-les, c'est 1 dixième à 2 c'est ça. Et peut-être qu'à Monza, ils les trouveront. Bon, j'ai pas plus à dire sur Ferrari parce que j'ai pas non plus envie qu'on s'éternise trop longtemps sur les non-sujets. Voilà, pour le coup, il n'y a pas de polémique là-dessus. C'est le fait de se louper sur une mise en condition sur un tour rapide, c'est arrivé aussi à Mercedes. Hein. C'est aussi arrivé à Hamilton aussi. Donc voilà, ça, vu les conditions qu'il y a eu à Zandvoort, très froides, piste humide, piste séchante, tout ça, c'est pas étonnant que ça puisse arriver. Et on rappelle qu'en F1 moderne, quitte à avoir une voiture qui ne fonctionne pas sur les deux jours, il vaut toujours mieux avoir la configuration de Ferrari, c'est-à-dire une voiture qui fonctionne le dimanche, parce que la course est quand même vraiment primordiale sur la qualif, y compris sur des circuits comme Zandvoort, où on a vu qu'on peut dépasser à la stratégie, au dépassement, même si le circuit est assez sinueux. À l'undercut aussi, ils ont bien compris ça chez Ferrari, contrairement à McLaren. J'ai quand même été impressionné par Leclerc parce que voilà, si il a fait un week-end à la Verstappen, c'est-à-dire avec une voiture qui était moyenne, maximiser absolument tout ce qui était possible, ça pour dire qu'on a eu sur le podium 3 pilotes, Norris, Verstappen, Leclerc, qui ont vraiment fait une performance absolument, ils n'ont rien laissé sur la table. D'ailleurs, c'est le top 10 de la course était constitué intégralement d'anciens vainqueurs de course pour la deuxième course consécutive, et c'est la première fois que ça arrive, ce duo. Donc, voilà, tout le top 10 était un vainqueur de Grand Prix. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. Et effectivement, on voit aussi que c'est aussi grâce à cette année, justement, où il y a eu plusieurs pilotes qui ont gagné leur première course. Mais effectivement, ouais, ça a été assez disputé. En tout cas, bravo à Leclerc pour cette belle course. J'ai vu, Harry Ford disait qu'il ne devait pas y avoir une annonce du nouvel organigramme technique chez Ferrari. Il y en aura une quand il y aura du... Ma Vasseur a dit à Monza ou après Monza. Ouais. Pour l'instant, c'est pas sûr. Mais... En écoutant un petit peu Vasseur, on a quand même tendance à écarter l'option New Way. Mais je me méfie énormément de Vasseur et de ses déclarations. C'est un communicant hors pair, Fred Vasseur. C'est ça. Et je ne suis même pas étonné que c'est lui premier à balancer un petit peu des conneries, entre guillemets, à la presse italienne pour qu'il parte sur une piste et pas sur une autre. Parce que quand on voit comment il a réussi à les avoir par rapport à Hamilton chez Ferrari, par rapport à d'autres recrutements, je ne serais pas étonné que ce qu'a relayé Autosprint sur le fait que Vasseur ne voulait pas que New Way arrive avec 20 ingénieurs, qu'il ne voulait pas payer aussi cher, tout ça, je ne serais pas étonné que c'est des trucs qui sont fomentés directement à Maranello par Vasseur ou par quelqu'un que Vasseur a mandaté, qui connaît bien la presse, pour distiller un peu des trucs comme ça qui seraient très très faux. Et je serais étonné d'avoir un le fameux cabinet noir de Vasseur. Non, mais la personne chez Ferrari qui connaît bien la presse et qui peut dire absolument ce que Vasseur veut, c'est Sylvia Hoffer. Elle a le bras le plus long des agents presse de la F1. Et si elle glisse des trucs comme ça dans le paddock, ou qu'elle demande, enfin, elle peut fomenter un plan avec Vasseur pour lancer des infos. Et déjà, Vasseur le faisait un petit peu quand il était chez Alpha, de brouiller les cartes, quand Raikkonen était arrivé, quand lui était parti, où il parlait d'un truc, et puis après il n'en parlait plus, et tout ça. C'est pas un jeu qui est inconnu chez lui. C'est quoi l'intérêt de faire ça, en fait, C'est de pouvoir négocier en sous-main sans avoir la presse italienne sur le dos tout le temps. C'est ça, c'est écarter les rumeurs, en fait. C'est ça. Et en fait, le fait de dire que ça y est, bah, Newey s'est perdu pour Ferrari, bah non, au contraire, c'est pas perdu. Nous, on continue à discuter tranquillement de notre côté, et boum, la surprise après Monza. Si ça arrive vraiment comme ça, j'ai pas de préférence objective qu'à Newey aille chez Aston ou chez Ferrari, même si je suis un peu plus pro Scuderia dans l'âme, parce que Ferrari est une équipe plus historique qu'Aston Martin en F1, mais je n'ai rien contre Aston Martin non plus, il mérite tout autant de gagner que n'importe quelle équipe. Mais si Vasseur arrive bien à tirer Newey, ça aurait été un coup magistral, et je peux vous garantir que ma théorie sur le fait que ça distille des fausses informations dans la presse italienne pour justement aider à faciliter ce genre de négo, ça se révélera vrai, et il faudra vraiment continuer à se méfier encore plus que jamais des infos qui sortent, parce qu'il n'y a que Autosprint qui a parlé de Newey et des 100 millions. Oui. Tout le monde n'a fait que reprendre pendant l'été l'info d'Autosprint. Il n'y a eu aucune autre source autre qu'Autosprint qui a affirmé de manière formelle que Newey est riche à Aston Martin. Voilà. Et encore une fois, on sait que Vasseur n'aime pas trop la pression du journaliste, parce qu'il a encore gentiment recadré Canal, par exemple, ce week-end, qui lui a demandé « Vous pouvez en dire plus pour... » Je sais pas, par rapport aux évolutions, je crois, il a dit non, je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas à vous le dire. Et on sait à quel point la presse italienne est capable de harcèlement, hein, je ne dis pas ça à la légère, mais la presse italienne est très très violente et très très sur le dos de tout ce qui tourne autour de la Scuderia. Et chez Alfa Romeo, déjà, il avait beaucoup écarté les sujets à l'époque du départ de Leclerc, de l'arrivée de Raikkonen et tout ça, parce que c'était lié à la Scuderia, et que lui, en fait, du coup, vu que la Scuderia est une équipe qui est très fermée là pour les coulisses au niveau des médias, avoir des interviews avec la Scuderia, c'est hyper compliqué, ils sont ultra select et ils répondent pas forcément aux mails, ils ont pas les contacts, sont pas faciles à établir. Tout le monde allait chez Alfa Romeo chercher des infos auprès de Vasseur, et lui était bien protégé aussi à l'époque par le département com de Alfa, mais lui-même en fait était très très franc et très cassant, entre guillemets. C'était quand c'était non quoi. Et à côté de ça, il était aussi du genre à un peu détourner l'attention, donc c'est pas à exclure non plus. Et même si d'ailleurs Newey va chez Aston, c'est pas à exclure qu'il ait négocié tardivement avec la Scuderia. Ouais, après on nous demande quand est-ce qu'on sera pour Newey. Alors dans le coin des rumeurs, ça ne reste que des rumeurs parce qu'on n'est pas dans les contrats, il se dit que Newey et Red Bull auraient conclu un accord comme quoi ce ne serait pas annoncé avant septembre, voire mi-septembre, et Vasseur parle d'organigramme après Monza. C'est le terme exact, c'est après Monza, donc c'est même pas à Monza. Donc si vous concordez un peu, on peut avoir une annonce en septembre et pas avant, et c'est après Monza, c'est le 1er septembre. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent dire que pour moi, c'est pas cuit. Et Eddie Jordan, qui est le manager d'ailleurs de Newey. Newey, manager surprise, hein, qui s'est calé pour négocier son avenir et tout, il a clairement fait comprendre dans ses podcasts, il fait beaucoup de podcasts, il a son propre podcast et tout ça, notamment avec David Coulthard, il a bien fait comprendre que tout ça, c'était vraiment que des rumeurs et qu'il n'y avait strictement rien de fondé et que, en tout cas d'après lui, aucune décision n'avait été prise. Donc, ouais, et aucune porte n'était fermée surtout. C'est ça. Donc pour moi, je pense que cette piste Newey chez Aston, qui est uniquement envoyée par Autosprint, c'est fomenté en interne par Maranello. je serais prêt à glisser un billet là-dessus si on pouvait parier quelque part là-dessus. Je pense aussi. Je pense qu'on a fait le tour de ce coup derrière, parce que j'allais répondre à une question d'Alka, mais ça m'oblige à passer sur le sujet Mercedes. Alors Mercedes. J'ai oublié le fait que Bono n'ira pas chez. Oui. Ne sera pas l'ingénieur de course de Hamilton, puisqu'il a été promu. Il a été promu ingénieur de course en chef. On va voir aussi d'ailleurs comment ça se passera avec Chauvelin, parce que Chauvelin est aussi un peu. Chauvelin est directeur de l'ingénierie en piste et lui sera ingénieur en chef. Donc j'imagine que ce ne sera pas la même gestion de département. Donc voilà, c'est comme ça que Toto Wolff réussit un peu à garder Bono sous le coude. Après, Hamilton a aussi compris, parce que Bono, il a aussi toute sa famille et tout ça aussi. Voilà, ils sont, alors, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction, on ne sait pas si c'est Là, ça, voilà, aussi sont, je sais pas si des voilà, mariés ou autres. Aussi, pareil, voilà, toute la famille sur place, enfin, son ou sa partenaire, je n'ai pas bien compris. Donc, après, voilà, et donc, c'est aussi un peu ça qui freine aussi son arrivée en Italie. Donc, voilà, Hamilton, il fera avec les moyens du bord. Et puis, comme disait d'ailleurs très justement Villeneuve, c'est pas parce que Bono aurait suivi Hamilton chez Ferrari que ça aurait bien fonctionné tout de suite, parce que Bono, il faut aussi qu'il se fasse à la culture Ferrari. Alors que l'ingénieur de course qu'aura Hamilton, qui sera certainement Ricardo Adami, il connaît parfaitement les rouages de Ferrari. Il se sera formé à l'école Vasseur aussi. Et c'est pas forcément un désavantage. D'ailleurs, Hamilton a gagné avec tous les ingénieurs de course qu'il a eu en F1, et sans jamais trop de soucis. Donc voilà, c'était pas un impératif pour lui, effectivement, d'avoir forcément Bono qui le suivait. Voilà, pour laisser un petit mot là-dessus. Non, effectivement. Et ouais, puis c'est... Ferrari, ça fonctionne bien sur l'ingénierie. Enfin, on a tellement critiqué leur stratégie que voilà, Leclerc, il fait la marquette sur Russell. Malgré tout, il y a eu des changements qui ont été faits à la suite des erreurs stratégiques et ça a fonctionné. Ouais. C'était une super stratégie de Ferrari. Je pense qu'il faut aussi le souligner quand ça fonctionne. Tout à fait. Mercedes a donc terminé 7e et 8e, 7e Russell, 8e Hamilton. Russell s'était qualifié en 2e ligne. Hamilton avait été éliminé également en Q2 et a pris une pénalité pour avoir gêné. C'était avec qui ça s'est passé? Pour avoir gêné Sergio Perez. Il a bien regagné deux places grâce au karma. Il a regagné deux places puisque Albon a été disqualifié et que Magnussen est parti des stands. Mais voilà, donc c'était un week-end un peu compliqué pour Mercedes qui restait sur un doublé avant disqualification de Russell à Spa et qui termine 7e et 8e. Alors j'allais répondre à la question, on va d'abord commencer par le hors-piste avant de faire ce qui s'est passé en piste. Alka demandait, Toto qui officialise un pilote italien en Italie, c'est un peu pour envoyer une petite pique. Alors moi je ne pense pas, effectivement, donc la nouvelle c'est que très probablement ce week-end, Andrea Kimi Antonelli sera officialisé en tant que coéquipier de George Russell l'an prochain chez Mercedes pour remplacement de Lewis Hamilton. Moi je pense que c'est plutôt pour le côté on a un italien et on annonce en Italie. Ça reste les tifosis, c'est aussi moyen de se mettre un peu les tifosis dans la poche et c'est toujours ça. Alors question de Satanas Diabolomante, Russell a-t-il les épaules pour être leader de Mercedes? J'ai un gros doute. Pour moi, un pilote qui est capable de rivaliser avec Hamilton a les épaules pour être leader d'une équipe. Parce que tout simplement, Russell est pour moi un excellent pilote. Il est globalement plutôt très bon sur un tour, il est globalement plutôt très bon sur les rythmes de course. Quelques erreurs de plus qu'Hamilton, mais encore une fois, ils n'ont pas la même expérience. Mais à côté de ça, pour moi, Russell est un excellent leader. Je pense qu'il a un bagage technique qui commence à être bien complet, surtout après 3 années passées avec Lewis Hamilton. Et je pense que c'est un très très bon leader à venir pour l'équipe. Moi, je ne me fais aucun souci sur lui. Il bat Hamilton 11 à 4 en qualification cette année. C'est quand même... Ouais. Alors, les écarts sont faibles, etc. Mais c'est quand même... Mais il faut quand même le faire. De rapidité. Hamilton avec voiture trafiquée. Non, Hamilton n'a pas de voiture trafiquée, mais l'équipe de Formule 1 dépense trop d'argent en Formule 1 pour trafiquer les voitures et faire coûter du temps à un pilote. Hamilton a perdu beaucoup de temps en 2022 parce qu'il était beaucoup plus expérimenté et qu'il s'est sacrifié. Il a sacrifié beaucoup ses propres performances dans le développement de l'équipe. Ça a été publiquement dit. 2023, il a repris le dessus parce que justement il avait une saison un peu plus libre. Et cette année, on voit que le progrès de Russell fonctionne. Puisque certes, Hamilton est peut-être un petit peu démotivé avec le nouveau challenge qui l'attend et tout ça. Mais clairement, Hamilton voit Russell revenir à son niveau aussi. Donc, ça va, on rigole. C'était pas évident. Et il y a beaucoup de gens qui le disent sur les réseaux sociaux de manière très sérieuse, mais c'est totalement faux, évidemment. Oui, c'est pas le genre de choses qu'on aime voir dans le chat ou discuter ici, même si on a bien plaisanté, effectivement. Mettez juste un emoji comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. On ne rebondit pas dessus. On est entre gens sérieux ici. C'est passionné. Donc, Russell est obligé de s'arrêter en fin de course. Alors, on va parler maintenant de ce qui s'est passé en piste. Effectivement, ils finissent 7e et 8e et avec 2 arrêts chacun. Alors, Hamilton avait plus de 25 secondes d'avance, donc il a pu faire un arrêt gratuit pour essayer de faire le meilleur tour, ce qu'il a fait et qu'il n'a pas réussi à tenir puisque Norris lui a repris. Et Russell, par contre, s'est arrêté alors qu'il était devant Perez et Sainz et a donc perdu 2 places. Et apparemment, effectivement, les pneus n'étaient juste totalement détruits sur la Mercedes W15 de George Russell et c'est ce qui lui a... ce qui l'a obligé à s'arrêter, Alex. Mais pour moi, c'est la grosse déception du week-end. Mercedes, après la série sur laquelle ils étaient. Et effectivement, donc là, c'est... Est-ce que ils avaient semblé très bien comprendre la voiture? Là, effectivement, ils semblaient un petit peu perdus. On n'a pas très bien compris la stratégie de Jared Russell, mais ils n'avaient plus le choix. Donc, pour moi, c'était vraiment la plus grosse déception de ce week-end. Mercedes, ils n'étaient pas du tout au niveau où on les attendait. Voilà, si ça se reproduit, évidemment, ça. On va avoir le retour de la diva et l'étoile polaire qui va s'éloigner, et sinon, voilà. Mais Ouais. ouais, non, pour moi, c'était à la fois la plus grosse déception et le plus gros mystère de ce week-end. Je m'inquiète pas trop, moi, parce qu'il y a encore un seul mot qui résume tout ça, c'est conditions. Conditions changeantes tout le week-end à Zandvoort. Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu du sec. En fait, Mercedes a vécu l'inverse de Ferrari. En fait. Ferrari a galéré en qualif et s'est bien rattrapé en course. Et Mercedes a peut-être tapé juste sur un tour rapide, ou un peu plus juste que Ferrari. Bah non, parce qu'Hamilton se fait quand même sortir. Mais oui, bon, Hamilton, il se fait sortir, mais il a aussi fait des erreurs lui-même aussi dans son tour. Donc, c'est bon, bref, c'était pas terrible, terrible, en tout cas, du côté de Russell, parce que Russell, lui, était quand même bien placé sur la grille. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est une sorte de condition, de fenêtre aussi, de fonctionnement des températures de pneus. Là, pour le coup, vu qu'il détruit ses pneus, c'est clairement une question de fenêtre. Je pense qu'ils étaient clairement pas sur les bons réglages, en réglage mécanique, certainement. Voilà, parce que ça va trop user les pneus. Voilà, donc je ne vais pas m'inquiéter pour eux sur une seule course, avec les conditions qu'on a connues en termes de météo et de vent. Donc, voilà. Après Monza, ça va être encore autre chose. Monza, ça devrait être plus sympathique pour eux. Clair. Même si certains disent attention, à Monza, nouvelle asphalte, nouveau goudron tout noir, donc qui retient beaucoup la chaleur. On sait très bien à quel point les Mercedes n'aiment pas du tout quand le goudron est trop chaud. Donc ça risque par contre de leur porter préjudice. Mais bon, c'est un tout nouveau Monza. Alors, pas un tout nouveau Monza en termes de tracé, c'est un tout nouveau Monza en termes de vibreurs. Les vibreurs sont beaucoup moins agressifs qu'avant. Et donc, tout ce qui est réglage de suspension, tout ça va être bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et les trajectoires vont être aussi un peu différentes. Donc, du coup, les setups à adopter, un peu différents aussi. Donc, ça va être un petit peu sympa à suivre. Ce début de Monza. Et d'ailleurs, bah, c'est Russell qui fera les frais de l'arrivée de Tim Tonelli en libre 1, puisque c'est lui qui laissera sa voiture. C'est lui qui laissera finalement sa voiture. Ça a été confirmé ce soir par Mercedes. Vous aurez l'article de demain matin sur son agrément auto. Mais c'est bien Russell qui laisse en premier sa voiture chez Mercedes à un jeune pilote. Ouais, à son futur équipier, très probablement, du coup. Oui, bah quasiment 99,99%, C'est ça. puisque les négociations, comme on a dit avec Verstappen pendant l'été, ont finalement échoué. Et donc Verstappen reste au moins un an de plus chez Red Bull. Ouais, exactement. Je pense que Mercedes, on a fait le tour. On va pouvoir passer à la course, à l'étape, l'équipe, pardon, suivante, qui est Alpine, avec la 9e place de Pierre Gasly, la 15e d'Esteban Ocon, 2 points de plus pour Alpine. Qui peut remercier un Gasly particulièrement en forme et qui a vu bah globalement, enfin qui a bien évolué dans le bon peloton quand même, bravo à eux, qui a plutôt bien réussi l'opérationnel malgré un arrêt un peu compliqué. Mais voilà, Gasly était tout sourire, Ocon était un peu plus frustré parce qu'apparemment il a sous-entendu que certaines pièces qui avaient été remises sur sa voiture n'étaient pas les meilleures ou en tout cas n'étaient pas idéales. Il est... Hein? C'était pas les plus fraîches possibles, ce Ouais, que j'ai vu en anglais. c'est Voilà. ça. Et du Donc. coup, il a jamais été dans le rythme du tout le week-end. Et malheureusement, c'est pas impossible que ce soit vrai, puisqu'on sait que Alpine n'a pas, par exemple, deux châssis au même poids pour les deux pilotes. Et voilà, le manque de développement et d'investissement dans cette équipe est toujours un problème. Donc, c'est pas impossible que ce que dit Ocon soit vrai. Mais en tout cas, ouais, très beau week-end à Pierre Gasly de gala qui a fait beaucoup de dépassements en piste et qui marque 2 points inespérés. Je sais pas ce que ça vous inspire. Est-ce que Alpine revient un peu? Est-ce que malgré tout, ça n'empêche pas qu'ils soient quand même en difficulté au niveau sportif pour la fin de saison, Franck? C'est bien, ça aurait pu être mieux en termes d'écart. Je pense que Gasly remonte à 9e place, mais c'était pas forcément la meilleure stratégie d'arrêt au stand. Parce qu'on s'était interrogé pendant la course sur cet arrêt tardif, alors qu'il y avait la même stratégie à un arrêt. Et finalement, il a un peu copié Piastri, en fait, dans le sens de s'arrêter peut-être un peu trop tard. Bon, finalement, il a quand même réussi à remonter à la 9e place, qui était la meilleure possible, hein, puisque les quatre top teams ont trusté les 8 premières places. Donc, effectivement. Gasly a fait le maximum. Après, on sait aussi qu'il adore ce circuit. L'année dernière, il a quand même fait une super course, voilà, un podium. Bon, c'était sous la pluie à l'époque, mais Voilà, non, ouais, Gasly a vraiment optimisé. C'était, et voilà. C'était le meilleur des autres et c'est le meilleur résultat d'Alpine égalé cette saison, c'est-à-dire une 9e place. Mais voilà, ça prouve, bah, encore une fois, c'est une équipe qui était au fond du trou. Voilà, moi je dis bravo à Briatore hein, qui apporte déjà des dixièmes à cette position. Non, mais c'est vrai qu'après, alors, malheureusement pour eux, c'est que comme Monaco, où ils avaient déjà fini à une place à peu près similaire. C'est un des circuits qui convient le mieux à leur voiture parce que c'est la seule qui c'est là où le déficit de puissance moteur se paye le moins par rapport aux autres équipes. Ouais. C'est le seul point positif finalement du week-end parce qu'à côté de ça, Alpine c'était quand même waouh, hors piste c'était festival quand même, hein. festival Flavio Briatore notamment qui a donné enfin sa première conférence de presse en compagnie de Oliver Hawkes qui est le nouveau directeur d'équipe donc qui remplace Bruno Famin, donc Bruno Famin qui est allé s'occuper du triste sort de Viry. D'ailleurs, pour Briatore se défend totalement d'être le fossoyeur de Viry, il dit que la décision était plus ou moins prise avant même qu'il arrive. Donc il dit clairement, je ne suis pas toujours le méchant. Donc il faut le croire sur ce coup-là, du coup, effectivement, que c'est pas sa décision d'enterrer le moteur Renault F1. Donc voilà, bah ça semble être fait malheureusement. Il n'y a pas eu de grève finalement de départ des monoplaces, voilà, comme ça avait été craint au départ, effectivement que les ingénieurs moteurs de Renault n'allument pas les monoplaces. Au moins on est assez libre histoire de protester un peu. Voilà, donc et Briatore, voilà, qui a clairement aussi dit que l'équipe n'était pas à vendre et que surtout que cette équipe a eu une flopée de mauvais managers. Et il ne dit pas jusqu'où remonte la liste. On peut imaginer qu'entre Cyril Abitbol et Bruno Famin, vous pouvez inclure quasiment tout le monde, tous ceux qui sont passés par Enstone. Donc, en commençant par Laurent Rossi, Zaffnauer, Famin et compagnie. Donc, ouais, je pense même qu'il inclut Abitbol aussi dans le lot. Oui, je pense. Ce qui pour moi est pas très sympathique. Mais bon, et moi, même Zaffnauer, c'est dégueulasse de l'inclure parce qu'il a eu moins de. Ah ouais, enfin, rien fait. Il a eu un tiers du temps qu'on lui avait demandé pour son programme et tout. Enfin, c'est lamentable. Et cadenassé par Rossi derrière. Qui en plus. De toute façon, c'est vraiment Rossi qui a pénalisé. Enlever Rossi et laisser Zaffnauer se débrouiller tout ça, je pense qu'il aurait fait quelque chose de très très sympathique. C'est certain. Il n'aurait pas eu besoin de passer par la case Famin. Et peut-être par la case du coup Hawkes et Briatore. Donc je pense que le gros switch, le mauvais switch qu'a fait Alpine, c'est d'avoir fait sauter Zaffnauer en plus de Rossi. Ouais. Parce que Zaffnauer, il sait quand même mener une équipe avec de petits moyens, parce qu'on se rappelle quand même que Enstone, c'est pas non plus une grosse. Alors c'est une grosse machine, c'est un gros monstre. Hein. D'ailleurs, Briatore a même carrément dit qu'il y avait trop de personnes à Enstone. Donc, ah bon, mais au point de virer des gens, non, on va leur trouver des trucs à faire, hein. On va pas virer des gens, mais bon, en gros, bon, il va falloir être un peu plus efficace, quoi. En gros, c'est. Voilà, c'est un peu le message qui a été lancé. Donc ouais, donc en coulisses aussi, ça continue à bien. On parle pas de dilettantisme, hein, mais on était pas loin dans les termes. Donc voilà, bah c'est Alpine qui repart avec un nouveau duo là, clairement Briatore Hawkes pour trancher dans le vif, hein, puisque Famin il a tranché dans le vif avec la fougue d'une poule qui aurait trouvé un verre. Rouge, voilà, donc autant dire que c'est pas la notion de trancher dans le vif est pas la même. Voilà, et puis là, il y a donc la décision de titulariser Douane, c'est ça, et effectivement, voilà, c'était le dernier point qu'on m'a adopté. Voilà, c'est encore la claque managée par Briatore, hein. En plus. Voilà. Voilà, donc c'est en fait, qui est un bon manager de pilotes, il est déjà. Ouais. Douane a été signé le vous avez eu le communiqué, souvenez-vous, Carlos Sainz avec Williams, non, c'est pas fait, peut-être pendant la pause et tout, puis finalement dès le lundi après le Grand Prix de Belgique, hop, confirmation, Sainz part chez Williams, et Douane a appris dans un petit restaurant mal famé où il était en Belgique, qui serait titulaire, donc il a pris à ce moment-là. Il a signé ses papiers un peu après. Et rappelez-vous, on en avait parlé, il aurait dû être annoncé avant la pause estivale. Ça n'a pas été fait pour diverses raisons. Apparemment, pour des questions de timing d'annonce et de marketing et tout ça, mais ça me semble tellement. C'était quand même bien fait. Et c'est pour ça que là, je rigole aussi quand la famille Schumacher, donc Ralf et Mick, disent qu'ils étaient un peu étonnés d'apprendre ça par Instagram. Bon, je veux dire, tout le monde le savait, toute la presse le savait, tous les médias le savaient. Après, ils n'avaient peut-être pas le numéro de téléphone, Mick Schumacher. Hein. C'est ce qu'on peut se dire. Mais bon, c'est, on va pas dire que c'est un camouflé pour Mick Schumacher, parce que Mick Schumacher n'est pas de de l'Académie Alpine, contrairement à Doohan qui a quand même été un peu à la manière du Piastri, hein, poussé à coups de millions de dollars dans les tests privés, formé. Voilà. Après, il y a eu des petites critiques sur la manière cavalière de ne pas prévenir Mick Schumacher, sur la manière cavalière dont s'est passé leur test de comparaison en plein mois de juillet au Paul Ricard, où Doohan a roulé le matin quand il faisait 23 degrés, 25 degrés, et que Mick Schumacher a roulé quand il faisait 38 degrés l'après-midi, que c'était pas équitable en termes de comparaison. Enfin, bref, je vous passe toutes les critiques que Ralf Schumacher a pu sortir et qu'on n'a pas relayées parce qu'elles sont à un niveau un peu bébé à ce niveau-là. Donc voilà, on savait très bien que Jack Doohan avait la priorité sur Mick Schumacher. Et voilà, Mick Schumacher, son dernier espoir, c'est Audi maintenant. J'en viens au problème que Mick Schumacher, si tout le monde passe à côté de lui, c'est peut-être parce que c'est pas le nouveau Schumacher, quoi. Oui, James Vols n'a jamais voulu. Non. Et lui, il l'a eu en simulateur en plus, donc il sait. C'est ça. Et puis désolé, mais bon, Toto Wolff fait Mercedes, je veux dire, il titularise un jeune pilote et c'est pas Mick Schumacher. Bah, c'est ça. Exactement. Et Alpine ne vont pas le chercher, et Williams lui a préféré Sargent en début de saison. Et Cola Pinto au milieu de saison, donc c'est quand même que ouais. C'est quand même clairement que, alors oui, après il y a sûrement Gunther, disait-il vrai. Alors Gunther Steiner sur la forme c'était pas terrible, mais sur le fond on peut se poser la question de effectivement il avait des raisons de ne pas vouloir conserver Schumacher, même si encore une fois n'oublions pas que Schumacher est un excellent pilote puisque en WEC il est excellent notamment en termes de rythme global, y compris sur les courses d'endurance. Mais la F1 est un autre niveau, on le sait aussi. Et c'est aussi ça qui fait que bah, des fois, on a l'impression que des pilotes restent sur la touche de manière injuste. Mais quand tout le monde leur passe à côté et que tout le monde choisit, tape à côté justement en choisissant d'autres pilotes, souvent il y a un fond de vérité et il y a des raisons à ça, on va dire. C'est ça. Je pense qu'on a fait... Oui. Oui, c'est le seul truc dommage du coup pour Mick, parce que tout le monde voyait Mick un peu titulaire dans la Williams après dimanche. Oui. Vu que Lawson aurait été prêté à Williams, mais sous réserve pour le récupérer au cas où, le fait que Wolff écarte Mick et ne mette pas Mick pendant 9 courses dans un baquet, c'est aussi des informations en moins pour Audi. Oui. Quand je parle d'Audi, je parle surtout de Mattia Binotto, parce que Mattia Binotto, c'est quand même le plus à même de trancher, peut-être avec Whitley, certainement, je ne sais pas si. Bon, Whitley est encore chez Red Bull, mais je suppose que Binotto et Whitley doivent avoir leur numéro de téléphone portable. Contrairement à Alpine, je crois qu'ils ont des contacts dans leur téléphone. Cette blague, il n'ira jamais. C'est ça, et je pense que ça doit quand même discuter sur les choix à faire entre eux, en dehors des heures de boulot de Whitley chez Red Bull, évidemment. Voilà, mais Mick Schumacher est bien connu de Mattia Binotto. Donc, si Mick Schumacher n'est pas retenu par Mattia Binotto, ça voudra aussi tout dire derrière. C'est-à-dire que s'il retient Valtteri Bottas et pas un autre jeune pilote comme Mick Schumacher, c'est qu'il aura ses raisons aussi. Et que Mick Schumacher n'était malheureusement pas fait pour la F1. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit, Alex, aussi, c'est que même Toto Wolff, qui aurait pu faire renaître l'association Schumacher-Mercedes via Mick, ne l'a pas fait. Donc ouais, effectivement, il y a certainement des éléments qu'on. Voilà, bah, des performances ultimes certainement qu'on n'a pas et qui font que bah, tout le monde passe à côté de Mick, quoi. Voilà. C'est ça. Et même Audi commence à faire rouler des pilotes qu'on n'attendait pas, on en reviendra tout à l'heure. Donc c'est un petit peu compliqué pour Schumacher, mais encore une fois, il y a sûrement des raisons à ça aussi que nous n'avons pas. Et moi je pense que effectivement Wolff, qui l'a écarté alors qu'il l'a eu en simulateur pendant un bon nombre de fois et tout ça, je pense que ouais, il y a sûrement quelque chose qui a dû tiquer, qui tiquait déjà chez Toto Wolff. Et puis de toute façon, James Wolff se connaissait aussi chez Mercedes, donc voilà, c'est un petit peu... ouais, c'est ça, il peut être bon, mais peut-être pas assez. Hein. C'est tout simplement... la F1, c'est l'élite du sport auto mondial. Il a cassé des voitures, pas autant que Sargent, mais il a cassé des voitures aussi, ça. Oui, aussi. Mine de rien, ça reste quand même un petit peu dans les mémoires aussi. Puis alors lui, quand il les casse pas forcément souvent, mais oui. Il casse de manière spectaculaire. Hein. C'est-à-dire que la voiture finit rarement en une pièce. Donc non, c'est vrai que bon, c'est un petit peu compliqué. Ah non, je veux pas une voiture réparée, je veux bien... Ah non, vous la toucherez plus le week-end. Pourquoi, Mick, tu gardes toujours le pied sur l'accélérateur quand tu sors? Non, mais pas besoin, je vise juste le rail le plus proche de la piste. C'est ça. On passe ensuite à la dernière place dans les points, la 10e pour Aston Martin, avec Alonso qui donc marque un point. Lance Stroll termine 13e. Bah, ils étaient là où ils pensaient être, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils savent très bien qu'ils sont derrière le quatuor de tête et qu'ils sont dans le, le haut du ventre mou, donc bah, derrière une Alpine, et puis derrière, pour Stroll, c'est derrière une Haas et une RBF1. Donc voilà, et maintenant la transition est complète, je dirais, et Aston Martin est passée du premier peloton où elle était fond de premier peloton en début de saison à ventre mou du deuxième peloton cette année. Et ça correspond à peu près à ce que les pilotes disaient vivre, quoi. Oui, Je sais pas si. bah, il a pas max... enfin, ils auraient pu finir devant Gasly, quoi. Ils sont même pas meilleurs des autres. Hein. C'est ça, Ouais, c'est ça. parce que notamment parce que Gasly a une meilleure stratégie, un meilleur départ, etc. Et qu'Alonso a pas eu un départ formidable, mais c'est à peu près leur position. Hein. Alors, j'ai envie de dire, ça pourrait être pire. Hein. Ils pourraient lutter encore plus derrière. Hein. Là, ils arrivent quand même à être cinquième, sixième force du plateau. Mais ben, ouais, il faudra un new way pour réveiller cette équipe. On a l'impression, en tout cas, peut-être un quart d'idée la saison prochaine. Mais on a l'impression d'une stagnation chez Aston Martin, hein, qui a un gros budget, hein, même s'ils doivent acheter des tables à force que Lawrence Stroll frappe dessus avec son poing, mais sinon c'est même pas la meilleure des autres, hein, c'est juste des autres, quoi. C'est ça. C'est ouais. Maintenant, on espère pour eux que la rumeur New est vraie. C'est tout ce qu'on pourrait dire en fait à ce stade-là, parce qu'effectivement leurs évolutions qu'ils ont apportées il y a quelques Grands Prix déjà, bah, la voiture, elle n'a pas tellement changé en fait, elle a pas progressé en performance, que les autres ont progressé et puis eux sont montés à peu près là où ils étaient déjà sur la fin du premier cycle d'évolution. Et ça n'a pas du tout reboosté la voiture, ça ne l'a pas dégradée en tout cas, parce qu'ils n'en parlent pas au point de revenir en arrière comme chez Red Bull sur certaines pièces. Donc ça déjà c'est plutôt une bonne chose, mais voilà, c'est des nouvelles pièces qui n'ont pas apporté de progrès en termes de performance. Après, il faut quand même dire que le top 4 est quand même en train de solidement se détacher aussi. Et voilà, pour que Aston montre des signes de progrès, il faudrait qu'il soit solidement devant le ventre mou, comme on dit. Donc ça veut dire bah voilà, ça veut dire constamment 9 et 10 avec quelques secondes d'avance sur le reste du plateau. Et c'est pas le cas. Donc attendons de voir. Voilà, il y a eu des études sur les évolutions. Il y a peut-être des nouvelles pièces qui vont sortir. Je crois que c'est peut-être pour Singapour, si je me trompe pas. Au moins un nouveau package aéro pour Monza, ça c'est sûr. Et après, je crois que c'est pour Singapour, effectivement. Donc on verra si Dan Fallows a réussi à corriger le tir. Si c'est pas le cas, effectivement. Là, ça pourra s'annoncer plus compliqué quand même. Bon, après, ils n'ont pas encore la nouvelle soufflerie, ils n'ont quand même pas encore tout. Ils ont fait un gros déménagement il n'y a pas très très longtemps. Certes, il y a des circonstances atténuantes, mais maintenant, ils ont quand même un super outil de travail. Il leur manque que la nouvelle soufflerie. Ouais. Et dont ils savent aussi qu'elle risque de provoquer un peu de perte de temps parce que c'est compliqué, on ne peut pas bosser sur deux souffleries en même temps. Donc il faut terminer un projet, en entamer un autre, et au final, la transition est parfois un petit peu délicate. Donc, Ouais, c'est un peu, je pense qu'il y a un peu de sacrifice quand même pour en vue de 2026 par rapport à tout ça. je pense. Bon, évidemment, ils vont dépenser le budget pour que ça aille correctement en 2024 et en 2025, évidemment. Mais soyons clairs qu'en 2025, dès le 1er janvier, enfin le 2 janvier, c'est focus total sur 2026. Surtout, s'ils ont un grand leader comme Newey qui arrive, ils prépareront au maximum le terrain pour que le 1er avril, quand Newey arrive, le maximum de choses soient préparées, mais pas finalisées, pour C'est qu'il ça. puisse y apporter sa patte. Et puis là, on parle quand même d'une équipe qui était par terre en ruine il y a 5 ans, et là on dit que leur problème, c'est qu'ils sont en train de construire une nouvelle soufflerie, une nouvelle usine. C'est Ouais. quand même le chemin parcouru par la F1 est C'est quand même ça. dingue. Avec pas mal de podiums entre-temps. Et oui, mais c'est ça en fait, parce que quand Newey arrivera, enfin si Newey arrive en avril, il faut bien se rendre compte qu'il aura énormément de temps devant lui pour travailler sur la future voiture. C'est pas en fait le travail de fond sur la voiture et sur le projet et tout ça et ce nouveau concept va aller jusqu'en fin d'année et ensuite en début d'année ils valideront une voiture définitive ou en tout cas un concept de base pour le début de saison qu'ils fabriqueront et ensuite ils auront des packages qui seront prévus à plus ou moins long terme. Mais il aura un bon 6 mois pour travailler à fond sur la voiture. Donc c'est tout bénef hein, pour eux. Et d'ailleurs c'est pareil s'il arrive chez Ferrari. Donc c'est l'équipe qui va récupérer Newey aura un avantage et ça faut bien s'en rendre compte. Après à elle de traduire cet avantage en piste aussi avec une voiture qui sera exploitable et qui sera bien exploitée surtout. Et oui, ça sera bien le 1er avril. Hein. Quoi, que ce soit chez Ferrari ou chez Aston Martin, ça sera bien le 1er avril que Newey pourra commencer, théoriquement en tout cas, à travailler. Après, Newey a aussi révélé des petites choses assez intéressantes. C'est qu'il, dans son départ de Red Bull, il s'est aussi engagé à poursuivre un petit peu le bébé RB17, c'est ça, son hypercar, même au-delà de son départ au premier trimestre 2025. C'est-à-dire qu'il continuera à donner son avis, à aider l'équipe technique à développer la RB17, même s'il ne fait plus partie de Red Bull. Je pense que ce sera aussi clairement en accord avec son nouvel employeur, hein, aussi. Mmh. Mais voilà, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à ce que Newey aide Red Bull. Et de toute façon, si Newey continue à aider Red Bull en sous-marin, je pense que ça se verrait dans les résultats. Voilà. Je pense que là, il ne même plus aider, même plus leur souffler la moindre idée que ce soit. Et il profite de ses vacances à fond, hein, c'est ce que dit Eddie Jordan. Il est avec son petit motorhome sur les routes de France et d'Italie, et beaucoup en Italie d'ailleurs. bon, après, c'est les vacances, hein, voilà, je vais pas tirer des conclusions hâtives, mais voilà. Et il profite vraiment, donc il est hors de question pour lui, voilà, d'aider à nouveau Red Bull quand on sait comment ça s'est passé avec Horner par rapport à cette histoire de scandale. Donc, oui. Pour ceux qui disent, ouais, mais voilà, parce que Newey pourrait quand même pas redonner un coup de main comme ça à l'équipe technique. Hors de question. Ah, il est bien, bel et bien écarté. Pour dire un petit peu les off, on a passé tout l'été avec toute l'équipe de Next Gen sur les routes de France en essayant de décrocher une interview exclusive de Newey. Donc on a fait toute la nationalité, etc. Et puis on a rien trouvé. Et juste à Bandol, on n'a pas été. Peut-être qu'il était caché là-bas. Non, mais c'est une blague. C'est que c'est un homme recherché. Newey sera chez Alpine. Oui, bah ça, je pense que beaucoup en rêvent. Ah oui, bah, Briatore, on en a parlé. Il a dit qu'il était pas assez cher pour lui. Donc, bon, bah, voilà. Si Newey n'est pas assez cher. Après, il y a eu des discussions, apparemment. Il y a eu une prise de contact. C'est pas nié de ce côté-là, mais. Waouh, quel pari que d'aller redresser Alpine. Je veux dire. Ouais, puis, ah bah là, si c'est ça, c'est vraiment une légende avec Jan Newey, champion du monde. Alors, avec les 100 millions d'économies du projet moteur Renault, on peut effectivement payer à Newey, c'est pas faux. Mais il ne faut pas oublier que. Allez expliquer ça aux salariés de Viry. On leur a dit vous coûtez trop cher. 500 salariés plus un moteur contre un gars. Ouais, bah, mais quel gars aussi. Hein. Ouais, c'est la ça. Preuve. La preuve, quel gars aussi. Hein. On parle plus de Newey aujourd'hui en différenciateur qu'un moteur. Hein. C'est bien parce que la Formule 1 reste humaine du coup. Et... Voilà, c'est aussi beau de savoir que c'est pas que des ordinateurs et une somme d'ingénieurs. C'est d'ailleurs ce que dit Briatore assez justement. C'est pas parce qu'on achète plein de types et qu'on les paye très très très très cher que vous avez un super résultat au final. Non, voilà. C'est certain. C'est certain. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près pour Aston Martin. Ouais. On va pouvoir passer à Haas qui termine pas loin des points avec Hülkenberg 11e, Magnussen 18e. Bon, l'équipe, pas grand chose à dire sur Haas, hein, ça a été un week-end un petit peu compliqué. Mais bon, ils étaient pas, enfin, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent beaucoup mieux. Encore une fois, malheureusement, avec les 8 top teams qui terminent devant, il y a 2 places dans les points et il y a 6 équipes qui les veulent. Donc. C'est toujours un peu compliqué, enfin, au moins 5 équipes qui peuvent prétendre, on va dire. Donc voilà, c'était pas très loin, était dans le ventre du mou. Alors, c'est vrai qu'on a eu un Hülkenberg un petit peu fébrile en début de week-end, avec 2 sorties de piste qui ont notamment cassé des évolutions. Magnussen a fait un peu mieux, mais finalement, Magnussen s'est mieux qualifié. Non, Magnussen est parti des stands, du coup, je suis con, pardon. Oui, mais c'était mieux qualifié. Oui, c'est ça, c'était mieux qualifié, mais il est parti des stands. Et voilà, du coup, à partir de là, bon, ça a été une course un peu... On a juste vu Magnussen perdre 4 places d'un coup. Il y a une stat qui est assez révélatrice sur Hülkenberg. Hein. Je crois que c'est sa 6e, 11e place cette année. Oui. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est quand même un pilote qui est quand même hyper régulier et As peut être encore plus devant Alpine avec un peu de chance. Donc il faut quand même souligner ça. 11e place, hein, ça reste vraiment une valeur sûre. Oui, c'est juste à quelques secondes derrière Gasly et Alonso. Hein. C'est rien. Ça se joue à un undercut, ça se joue à un arrêt plus tôt, ça se joue à un retardataire, ça se joue à un dépassement qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était bloqué pendant quelques tours derrière nos voitures. Mmh. Ça joue à ça, en fait. Ça joue à pas grand-chose parce que ces équipes-là, finalement, elles sont quasiment toutes similaires en termes de niveau. Et comme on l'avait dit, voilà, ben, il faut bien une équipe qui finisse 9e et une équipe qui finisse 18e. Parce que 19e et 20e, maintenant, on sait qui c'est. Mais entre 9 et 18, ça peut quasiment être n'importe laquelle de ces équipes du ventre mou. Et puis, ça a pris des, je crois ça a été un des premiers à s'arrêter. Puis, il a fini la course en dur en faisant tenir les pneus. Et voilà, donc ça. Ouais, là, As reste une équipe plutôt solide, de milieu de grille aussi. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais, il faudrait parler un peu de l'extra-sportif quand même, parce que finalement, l'actualité de Haas, c'était aussi clairement la menace de saisie de leur matériel et de leur F1 par Uralkali. Juste pour résumer très rapidement, c'est que contrat arrêté avec Uralkali donc en février 2022 suite à l'éclatement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc Uralkali sponsor titre russe écarté. À juste titre, ceci n'a pas été contesté par le tribunal. Par contre, sur les 12 millions de dollars payés en avance pour la saison, 9 millions ont été ordonnés à rendre à Uralkali. En plus de ça, une F1 de 2021 a donné aussi aux sponsors voilà, pour de guises de démonstration, exposition, certainement des showrooms ou autres. Et ben, ça a traîné des pieds, a fortement traîné des pieds pour payer. Et finalement, il a fallu que Uralkali passe par la justice néerlandaise et les huissiers sur place pour aller faire un inventaire et faire donc un blocage du matériel au cas où le virement n'était pas fait. Ce que Haas s'est empressé comme de faire le vendredi, après avoir dit que mais non, on veut bien le faire, mais bon, il faut qu'on fasse ça correctement parce qu'il y a des sanctions contre la Russie. Donc, bref, ils ont essayé de jouer la montre comme ils ont pu. C'est pas passé. Ils sont passés par une banque intermédiaire aux Émirats Arabes Unis, je crois, pour pouvoir passer tout ça rapidement. Et évidemment, les banques étant fermées le week-end, pour avoir la confirmation du virement, il a fallu attendre lundi matin. Et heureusement, voilà, le virement est passé. La F1 2021 aussi, apparemment, est partie. Donc, je sais pas, je pense que tout devait être prêt quand même au cas où. Je pense que... et donc, du coup, voilà, tout le monde a pu repartir vers Monza hier dans la journée. Donc, ouais, ils n'auront pas un retard significatif au montage de leur structure. Dans le paddock de Monza, donc effectivement ça aurait pu très mal se terminer parce que quand même sortir 9 millions de dollars pour une petite équipe comme Haas, vous auriez mis ça il y a 3-4 ans quand les équipes avaient le couteau sous la gorge en termes de budget, c'est pas la même chose que maintenant où c'est quand même beaucoup plus financièrement assez souple. Je pense que c'est Jean Haas qui a dû régler lui-même la note. D'ailleurs il faut savoir que Jean Haas lui-même était interdiction de quitter le territoire des Pays-Bas. Il avait pas le droit de quitter le territoire des Pays-Bas. Il fait partie des biens menacés de saisie. Ouais, parce que je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose contre lui personnellement, je pense. Ils ont dû avoir l'info comme quoi il y serait. Et ouais, j'étais super étonné, mais ouais, Jean Haas ne pouvait pas quitter non plus le territoire des Pays-Bas sans avoir réglé la note. Donc, je pense qu'il a plus réglé pouvoir partir des Pays-Bas, même s'il aime très bien peut-être les petits cafés sympathiques qui sont dans le pays. Mais voilà, bon, tout est bien qui finit bien pour Haas. Uralkali, c'est l'histoire ancienne, on n'en parlera plus. C'est pas Papa Mazepin qui a pris de l'argent. On ne devrait plus parler de la famille Mazepin, en tout cas en F1, à court ou moyen terme. Normalement. Normalement. C'est jamais. À moins que la Russie déclare forfait face à l'Ukraine. Elle déclare forfait. Mais bon. Oui, non, mais c'est sûr. Puis alors, vraiment, ce serait bien que, dans le cas aussi où Nikita Mazepin reprenne un petit peu de niveau quand même, parce que c'était un peu le problème de sa présence en Formule 1, c'est qu'il n'avait pas forcément le niveau pour y être. Il a remis un peu le pied comme dans le sport automobile, hein. D'ailleurs, il a même été de nouveau autorisé à être en Europe, d'ailleurs, de courir en Europe, parce que toutes les sanctions contre lui ont été levées. Maintenant, vous pouvez être sûr et certain qu'aucune équipe de F1 n'a envie de l'engager. Cette histoire de vouloir revenir en F1, personne n'y croyait vraiment. Voilà. Ouais, c'est ça. Puisque plus personne n'a besoin de son argent. Oui. C'est aussi une bonne raison. C'est aussi ça, ouais. Ensuite, on va passer à RBF1. Alors, Daniel Ricciardo termine 12e. Yuki Tsunoda termine 17e. Le message global était clair. Dans la qualification, c'était l'inverse. Tsunoda était devant. Le message global, c'est il nous faut plus de performance. Et pour ça, il nous faut plus d'évolution. Je crois que tout le monde ils sont d'une seule voix dans l'équipe. Voilà, pas grand chose à dire sur la piste. Hein. C'est toujours compliqué. Ils sont toujours dans un peloton très serré. Donc, un week-end où ça va pas très bien, où il n'y a pas d'abandon. Malheureusement, ça vaut pas un top 10 quoi. Un circuit qui convient un peu mieux, des conditions qui vont un peu mieux. Voilà, tout se joue à ça pour les points. Donc, et là, c'était pas le cas pour RBF1. Donc effectivement, tout le monde évolue, donc aussi doit évoluer. Donc dans l'attente des nouvelles pièces. Quoi. Oui, ils l'ont tout dit. De toute façon, que ce soit les patrons ou les pilotes, c'est attendre des nouvelles pièces pour leur faire ce. Avantage Tsunoda qui a mis 3 dixièmes à Ricardo en Q1, c'est quand même pas rien sur ce circuit qui est court, et Et ben voilà, hein, je veux dire, évidemment, Pérez est confirmé, mais ça donne plutôt raison à la volonté de ne pas titulariser Ricciardo, en tout cas. Oui, tout à Et fait. puisque là, du coup, on va peut-être parler aussi un peu de la rumeur Lawson, du coup, parce que c'est peut-être finalement ce qui est le plus intéressant chez RBF1, c'est qu'effectivement, Ricciardo joue sa place pour garder pour aller son baquet. Et Lawson, on saura le mois prochain, donc c'est le mois de septembre qui arrive là très vite, Oui. s'il est effectivement conservé dans la filière Red Bull. Donc il roulera soit chez RBF1, peut-être chez Red Bull Racing si Pérez finalement est écarté en fin de saison, ce qui est toujours possible. Soit si Ricciardo est promu à côté de Verstappen, du coup Lawson sera à côté. Soit Lawson sera libéré ou prêté à une autre équipe de F1. Et vous me voyez venir, effectivement, la seule équipe de F1 qui reste, et on va faire la transition là-dessus, c'est Audi. Et on sait que Audi, ça fait quand même plusieurs mois qu'il courtise Lawson. Que Lawson, de toute façon, il arrive en bout de contrat avec Red Bull et il n'est pas prêt de re-signer puisqu'il sait très bien que tout le monde s'intéresse à lui. Et que si c'est pas Red Bull qui prend son option ou le loue ou autre chose, il va tout droit dans les pattes d'Audi F1. Alors ça, c'était l'hypothèse avant l'arrivée de Binotto Whitley. C'était l'hypothèse Seidel Hoffmann. Est-ce que c'est toujours encore le cas? Je crois que oui. Mais bon, on va l'évoquer maintenant dans. Pour Steak Audi, la solution est toute trouvée. Oui, c'est beau, c'est beau. De toute façon, on va pas beaucoup parler de leur week-end en piste, puisque ça se Ah si, qualifie. ah, si, il y a une chance qu'on peut parler, c'est leur pire week-end de l'année. C'est vrai. On peut les enfoncer un peu plus. Non, mais c'est les seuls à finir à plus d'une seconde en qualif Oh, du premier en Q1, et c'est les seuls à finir à 2 tours du vainqueur. Donc, non, mais je pense que, et Bravi l'a reconnu, c'est notre pire week-end de l'année, notre week-end le plus difficile. Donc, Ah oui, c'était pire que d'habitude. Bah c'est ça, c'était catastrophique. Vraiment, ils étaient nulle part. Et là, on peut dire presque qu'ils constituent à eux seuls un troisième groupe. Parce qu'ils sont vraiment. Maintenant, ils sont largués par le groupe devant eux, quoi. Oui, il y a un vrai Mais dynamisme. C'est un je groupe voudrais étoffé. quand même mettre un bémol. C'est OK, c'est l'écart entre Bottas et Joe, quoi. Moi, je trouve que Bottas, c'est du bon boulot. Bottas et Absolument. Joe, l'écart en Q1, c'est 1 seconde et 1 dixième. C'est absolument incroyable l'écart en Q1. Alors, je n'ai pas suivi non plus leur tour de très très près, mais 1 seconde, une seconde et 1 dixième sur un circuit aussi court, hein, pour moi, vraiment, Bottas, je ne l'écarterai pas pour un baquet Audi parce que pour moi, il fait le boulot. Et c'est Joe qui est vraiment en perd. Alors, on a beaucoup parlé de Sargeant, mais Joe, il mériterait aussi d'être viré en cours de Et saison. Joe, la différence, c'est qu'il casse pas les voitures, mais par contre, c'est catastrophique. Et ce week-end, en plus, là où c'est encore plus cruel pour lui, c'est qu'il avait le package complet d'évolution qu'il n'avait pas avant la pause estivale. Il était content, justement, de se dire, bon, allez, maintenant, je vais pouvoir être au même niveau que Bottas parce que j'ai la même voiture. Et au final, il ramasse 1 seconde en qualif, 30 secondes en course. Il n'y est plus du tout, Joe. Je pense que malheureusement, là, on peut dire que lui, parce que des fois, il est encore cité comme option sur le baquet Audi. Non, ce sera pas pour lui. Et effectivement, il faut souligner le fait que dans. Si, Comment je crois qu'ils ont un simulateur qui est à 10 millions d'euros l'année, je crois. Ah. Mais non, mais dans une interview récente, Joe, il a clairement plus vraiment, il n'a pas écarté d'un revers de main la possibilité de devenir troisième pilote. Et quand vous avez un troisième pilote, bah forcément qui est chinois, c'est un peu ce qu'a fait Ricardo l'an dernier à faire le VRP. Voilà, bon, ça reste quand même une bonne opportunité, mais honnêtement, il mérite pas de, voilà, il mérite clairement pas d'être F1. Audi, la Chine, Joe, c'est gros marché hein, pour Audi, la Chine. Oui. Donc, le garder dans le giron d'une manière ou d'une autre en tant Ouais. qu'ambassadeur, troisième pilote, réserviste, tout ce que vous voulez, Et puis ça a du il sens. connaît un peu Binotto, voilà. Et avec ses connaissances de l'équipe, connaissances de Bottas, connaissances de process, tout ça, il serait un bon relais dans le simulateur et il serait un bon pilote de travail de fond et réserviste. Mais parce qu'effectivement, après, si par exemple l'an prochain un des deux titulaires n'est pas disponible et qu'ils ont Joe, c'est pas ridicule de l'envoyer sur un week-end pour rouler. On connaissait l'expression, t'es un physique de radio et maintenant t'es un bon pilote de simulation. Alors attention, personne ne voyait Colapinto titularisé à Monza, donc Oui, mais on lui, reste. oui, parce que lui, on sait pas. Alors que Joe, on sait, c'est un peu le problème. Non, mais après, je veux pas être méchant avec Joe parce qu'il a fait du bon boulot sur les 2 premières années face à Bottas. Il Ouais. a fait des belles courses. Il a souvent Ouais. été, même en 2023, il était en train de prendre le devant sur Bottas. Et il semblerait que le Finlandais soit un petit peu réveillé. Et tant mieux parce que c'est pas oublié Bah, qu'encore il une s'est fois. réveillé pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contrat au bout. Bah bien sûr. Et encore une fois, on parle d'un pilote qui était capable de lutter en qualif contre Lewis Hamilton et qui a enchaîné 6 saisons complètes de passage en 5 saisons complètes de passage en Q3. Il faut, enfin, Bottas, c'est loin d'être n'importe qui. C'est pour ça que moi, franchement, je prolonge Bottas, je vais aller chercher un Lawson ou un Schumacher. Aujourd'hui, Bottas, c'est bien plus fort. Ou Schwarzman. Ouais, alors voilà, l'option c'est Schwarzman, puisque Mattia Binotto, ancien directeur de Ferrari, est arrivé, et Robert Schwarzman, ancien pilote de la Ferrari Academy et aujourd'hui pilote WEC pour Ferrari, a, comme par hasard, eu un volant libre 1. Un volant libre 1. Alors la question, alors, après bon, par contre c'est... pas de Pourchaire, pas de Maloney, voilà. La question, moi je me pose, c'est qu'ils ont fini... Les EL1, et dans le message qui a suivi, c'était on remercie Robert pour ses essais et on lui souhaite bon courage pour la suite. Donc j'imagine que c'est un petit peu... Il n'y a pas forcément pour l'instant de volonté de se rapprocher de manière complète. Mais c'est vrai que c'était surprenant en fait de le voir venir faire des essais libre 1 de jeune pilote à la place des deux pilotes. Il ne faut pas oublier que l'équipe a deux pilotes dans son académie. Pour Cher qui semble avoir oublié qu'il en fait encore partie. Et Maloney qui n'est pas... Donc, ils ont peur d'avoir énormément confiance, quoi. À la défense de Porsche, il y a des raisons à son amnésie. Quoi. Oui, oui, non, en fait, oui, en fait, je voulais plutôt dire, c'était eux, on a l'impression qu'ils ont oublié que Porsche en fait encore partie, pardon. J'ai mal formulé ma phrase. C'est Binotto qui tire les ficelles, ça y est maintenant, et Whitley aussi, parce que ouais, du coup, Whitley arrivera en tant que du coup, directeur d'équipe, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, oui, effectivement, bah, ils commencent aussi à tester leurs propres options aussi, les options qu'eux connaissent, donc. Donc voilà, donc Whitley peut-être pourra prêcher pour Lawson, Binotto pourra effectivement voir peut-être Mick Schumacher, j'ai un doute quand même, et effectivement bah, Valtteri Bottas aussi. Si on doit garder un des deux pilotes actuels, c'est clairement Bottas. De toute façon, il y a même pas de débat. Joe s'est écroulé ou Bottas s'est retrouvé une motivation. Je ne sais pas quel est, à mon avis, il y a des deux dans l'explication. Et voilà, et on fait avec ça. Et ça va pas être évident de trouver le bon deuxième pilote pour côté de Nico Hülkenberg. Hein. Ils ont déjà un bon pilote expérimenté qui connaît bien le fonctionnement d'une équipe de F1, qui est très bon en termes de retour technique. Ils ont déjà une valeur sûre. Avec Bottas, ils auraient deux valeurs sûres. C'est ça. Ouais, faut pas oublier que ce pilote-là, ils vont lui proposer très probablement un contrat d'un an, sauf s'ils arrivent à trouver une pipite, mais du coup, ils l'ont pas. Et donc, en fait, ce sera un pilote qui sera chargé de rouler pour Steak F1 et de développer la voiture de Audi F1. Et du coup, avoir un duo Hülkenberg-Bottas dans ces conditions-là et dans ce contexte-là, c'est totalement logique. Parce qu'on a deux pilotes d'expérience, on a deux pilotes rapides. Et encore une fois, si on pense que Hülkenberg est un bon choix pour Audi par son expérience et ses résultats, et ben Bottas c'est le même en mieux puisqu'il a été dans un top team, il a signé des podiums, des victoires, il a été vice-champion du monde. Donc au final ça me paraît être un duo logique et ça n'empêche pas Audi de trouver un pilote de meilleur plan ou en tout cas qui crée plus d'ambition autour de l'équipe, parce que c'est vrai que par exemple le problème d'un duo comme ça c'est que c'est un peu un duo canapé, c'est-à-dire que c'est deux pilotes sur le retour de leur carrière, et puis voilà, c'est pas le duo où ça donne très envie, quoi. Ouais, moi j'ai un doute quand même de voir Bottas accepter un contrat d'un an, sachant la purge qu'a été la Steak de cette année, ouais, voilà. Et que ça sera encore la même purge l'année prochaine. Et moi je crois que c'est un pilote qui aime la F1, comme tous les pilotes, et qu'il acceptera une place en F1 plutôt que de devoir partir. Je pense que malheureusement, c'est le chantage que les équipes peuvent faire, c'est que la F1, c'est la F1. Il a dit qu'il accepterait plus les contrats d'un an, ils peuvent lui proposer 11 mois comme ça. Ou 13 s'ils sont sympas. pour le prix de 12. Mais mais avec chaque vacances pour... et des avantages. Il aura des réductions dans la boutique Steak s'il veut s'acheter une casquette. Mais et des prix chez Sodexo Red Bull. Non, il aura peut-être des avantages s'il veut s'acheter une Audi en 2026. Mais non voilà, donc c'est vrai que C'est après effectivement est-ce qu'il accepterait, je sais pas, mais moi je pense que Bottas il sait que de toute façon il aura pas non plus des milliers de choix maintenant que Williams s'est fermé. Lui c'était son principal truc, c'était Williams. Maintenant que c'est fermé, il est quand même 100% certain. Hein. Il est 100% certain d'avoir un bac en F1 quand même. Ouais. Il y a très peu de temps. Donc c'est compliqué. Donc oui, c'est compliqué pour lui et du coup effectivement, je pense que moi il acceptera même si c'est un an. Hein. Et au pire, ils lui diront 1 plus 1, parce qu'après, voilà. Mais de toute façon, Hülkenberg sera là la première année d'Audi, et ce sera la caution allemande du truc, je pense. Et derrière, à mon avis, ils voudront un pilote qui sera jeune et ambitieux. Donc voilà, après, c'est... Mais voilà, ils doivent aussi composer avec le fait qu'ils n'attirent pas les pilotes qu'ils voulaient. Et du coup, bah, quand tu n'attires pas des pilotes de premier rang, bah, tu peux te contenter de signer ceux qui sont quasiment au niveau des pilotes de premier rang. Et Bottas, c'est ce profil-là. Ouais. Donc voilà, pour le tour d'horizon de la Formule 1 de ces 4 dernières semaines et surtout ce week-end à Zandvoort, je pense qu'on a fait le tour. Vous oubliez Mercedes pour Bottas, nous dit Harry Ford. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs, hein, non, mais le pire, c'est que les rumeurs ont fait surface sur Twitter, évidemment. Évidemment, c'était totalement faux. Ça aurait été un peu surprenant, malgré le fait que Bottas leur a fait des belles choses quand il y était, qu'ils reviennent vers un Bottas pour comment dire, pour un projet à long terme. Pour les premières années constructeurs, est-ce que ce n'est pas mieux des pilotes solides plutôt que des pilotes enthousiasmants? Mais est-ce que un mix des deux n'est pas bien aussi? Parce qu'un pilote enthousiasmant, c'est un pilote qui va forcément être très bon et qui peut être un pilote d'avenir. Donc du coup, qui poussera son vieil équipier. Voilà, c'est ça. Et parce que Hülkenberg Bottas, finalement, c'est alors bon, après c'est les pilotes de F1, donc ils sont toujours compétitifs, mais le pécho. Ouais, non mais c'est... les deux ne jouent pas leur avenir. Ils en sont déjà. Hülkenberg, c'est sa quatrième chance, je pense, sa quatrième dernière chance. Bottas, ce sera sa deuxième. Comme un chat, lui, la neuf vie. Ouais, c'est ça. Donc c'est des mecs. C'est comme les Magnussen et les Ricciardo. Ils savent que demain, un claquement de doigts et la porte se ferme et c'est terminé, et qu'ils ont déjà leur carrière derrière. Eux, donc c'est pas des pilotes qui vont, je ne doute pas de leur remise en leur motivation et de leur implication dans l'équipe, mais je pense que c'est des pilotes au moment où il faut aller chercher la motivation la plus totale, que c'est bien d'avoir un petit jeune qui sera très motivé et qui aura fait un peu de preuve. Est-ce que c'est pas mieux de l'avoir en année 3 ou 4? Mais est-ce que c'est pas mieux de l'avoir de l'année 1 à l'année 4? Tu vois ce que je veux dire? C'est que, par exemple, regarde Lando Norris. Il est arrivé au début du projet Zach Brown chez McLaren en 2017, quand l'équipe était 2019, pardon, quand l'équipe venait de passer 4 années horribles, et il signait à long terme, et il y est toujours, et aujourd'hui il gagne des courses, et potentiellement on en parle comme un candidat au titre. Et c'est pareil pour George Russell, c'est pareil pour des gens comme ça, qui sont des, ou Charles Leclerc avec Ferrari. C'est des pilotes qui sont là à long terme et qui sont là très longtemps. Et je pense que Audi, bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est pareil. C'est un Leclerc, c'est un Russell, c'est un Norris. Ils veulent pas un Bottas ou un Hülkenberg, en tout cas comme leader et comme image de leurs ambitions, parce que c'est un petit peu plus limité, on va dire. Donc oui, évidemment, l'année 3 ou 4, c'est là où le projet sera le plus mature pour commencer à gagner. Très certainement, très probable, très peu probable qu'ils arrivent en F1 en gagnant, mais... Ouais, s'il gagne en 2020... Déjà, 3-4 ans, déjà, bon courage. Déjà, 3-4 ans, c'est costaud. Hein, c'est clair. C'est énorme de pire voiture de peloton à voiture vainqueur de championnat avec un nouveau moteur en 2026. McLaren l'a fait, hein, quasiment. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est un nouveau règlement. Donc, ils peuvent quand même gommer une partie de leur retard aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le retard aujourd'hui, il est aussi fait parce que ça fait quand même... Ils n'ont pas réussi vraiment une seule bonne voiture sur début 2022, mais c'est tout. Quoi, donc, Quand Audi a annoncé son arrivée en F1, ils ont dit « Nous, on veut des podiums dès 2026. » Ouais. Bon, c'est plus en train de parler de 2027-2028 maintenant. Donc, voilà. Et ça sera déjà très bien. Et ça serait déjà pas mal, ouais, franchement. Faut pas sous-estimer la Formule 1. En tout cas... C'est pour ça que, et oui, Audi a encore moins d'expérience F1 que McLaren, mais ils ont les moyens quand même, ils ont de l'expérience dans les motorisations hybrides, ils ont l'expérience dans le sport auto, donc ils ont, et encore une fois, pour le coup, McLaren, si tu prends 2019, 20, 21, 22, 23, 24, le projet Norris pour passer de « on commence à remonter une équipe » à « on gagne et on est candidat au titre, voire on a le titre constructeur », c'est 6 ans. 2026, 7, 8, 9, 10 et 2031, on peut estimer que Audi sera dans ces moments-là une équipe qui peut être leader et qui peut avoir une vraie, un vrai potentiel de championne du monde. Donc 6 ans, c'est bien pour construire un projet comme ça. Tu vois. Après, il ne faut pas oublier qu'on part quand même d'une base qui s'appelle Sauber, qui existe depuis 31 ans en Formule 1, en 32 ans. C'est pas une équipe toute neuve, donc elle connaît, elle sait. Elle sait sortir des bons résultats quand elle est soutenue par un grand constructeur, elle l'a prouvé à l'époque de BMW. Donc voilà, c'est une équipe, bon, ça remonte, hein, ça remonte à plus de 15 ans maintenant, mais voilà, bien managée, parce que je pense qu'effectivement le problème c'était le management, là encore, là peut-être que Flavio Briatore pourrait nous sortir un petit cours sur le management de Seidel et Hoffman. Les deux ont fait les frais, c'est Binotto-Whitley, ça va repartir à mon avis. De manière un peu plus serrée, peut-être surtout avec plus de directives, parce que je pense que tout le monde était un petit peu perdu. Il n'y avait pas trop ça entre Seidel qui voulait quelque chose et Hoffman qui voulait autre chose. Je pense que plus personne ne savait effectivement ce que la direction voulait. Là, je pense que d'avoir fait sauter l'otage Audi Motorsport dans la gestion de l'écurie, ça va certainement aider quand même à prendre plus de décisions pour redresser tout ça et mieux préparer finalement l'arrivée d'Audi. Parce que le fait que Audi, c'est toujours pareil, quand un grand constructeur veut s'immiscer dans une équipe, il fout toujours un peu le bordel. Et là, je crois que ça, ils ont enfin compris qu'il faut laisser à Sauber reprendre la main à son niveau sans que le conseil d'administration et les grands pontes d'Audi Motorsport viennent fourrer leur nez dans tous les 3 ou 4 matins dans les dossiers et comment ça avance, et la transition, et vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais là vous êtes en retard, et blablabli, et blablabla. Donc voilà, remettons les choses au centre, c'est-à-dire au niveau de l'équipe. Il faut éviter les mauvais managers. Voilà. C'est ça, c'est ce que dirait Flavio Briatore. Peut-être que Flavio peut faire un deuxième mandat à côté, hein, ça se trouve, s'il a un peu de temps, il va peut-être s'occuper des deux. C'est la seule conclusion de ce soir, la plus grande conclusion qu'on tire ce soir, c'est évitons les mauvais managers, parce que manifestement, c'est un peu le problème. Bah, en tout cas, voilà, on arrive au bout de cette émission de reprise après la pause estivale. On se retrouvera dès mardi prochain pour le débrief du Grand Prix d'Italie. Avec probablement pas mal de nouvelles choses. On vous dira qu'il faut éviter les mauvais managers et qu'on a désormais une hiérarchie totalement différente de la semaine précédente. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime la Formule 1 moderne, c'est parce que maintenant, désormais, on a la possibilité de voir des écarts très serrés. Alors, petit commentaire à Sénat numéro 1 dans le chat. Tu dis on en parle d'eux. À chaque fois, tu dis des trucs qui sont faux. Donc non, on ne va pas en parler maintenant. Et dans tous les cas, ce n'est plus le sujet. Et c'est des débats qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, de nous avoir suivis pour cette émission de reprise. On se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui nous ont suivis qu'à moitié, comme d'habitude, le replay est disponible dès les prochaines minutes sur YouTube. Et on espère demain en podcast. Le chrono pour Monza. Ah oui, on a oublié. Oui, on a oublié. Oh merde. On voulait l'esquiver celui-là. Ouais, ouais. Il va pas être facile celui-là. Je suis le mec enthousiaste, c'est juste que j'ai aucune idée de quoi dire. C'est chaud, ouais. Honnêtement, c'est chaud. Leclerc. Circuit très par. Ouais, j'ai envie de mettre une pièce. Je mettrais bien une pièce sur Leclerc, quoi. Ah, là, je mettrais bien une pièce sur Ferrari aussi, mais parce que ouais, parce que c'est Monza, parce qu'ils connaissent bien, parce que le moteur il va bien quand même. Mais chaud quand même, parce que McLaren ils ont quand même fait des sacrés progrès aussi. Mais c'est pas les meilleurs en vitesse. Mais c'est pas les meilleurs en VMAX. Red Bull en VMAX ils sont hyper forts. Oui. Ils ont très peu traîné. C'est hyper compliqué entre la McLaren qui est super bien en châssis, la Red Bull qui est hyper bien entraînée, Ferrari qui va tout miser sur Monza. C'est hyper compliqué. Et Mercedes qui a quand même une voiture rapide. C'est un sacré moteur aussi. C'est hyper compliqué. Bon. Mercedes qui était très rapide sur les secteurs rapides à Spa. Moi je peux déjà vous dire que c'est pas Perez. Après ça, je vous avoue que je suis un peu de mal. Le fou quoi. La balle perdue. Ouais, alors dans le chat on a du Norris Verstappen Piastri et on a du je mise sur Leclerc, on a du Leclerc Hamilton Verstappen. Alors moi je vais dire Verstappen Norris Leclerc. Verstappen Norris Leclerc. Parce qu'avec le super DRS de Red Bull, est-ce que ça va pas faire la différence? Ok. Moi je vais dire choix du cœur Leclerc, choix de la raison Norris Leclerc Verstappen. Histoire de pire. Ouais, du coup tu te fais un peu dans plusieurs trucs, quoi. Histoire de bien facile, hein. Histoire de bien pimenter le championnat un petit peu plus, voilà. mais c'est chaud, hein, franchement. C'est chaud, c'est très très chaud. Ouais, c'est ça qui est bien. Moi je vais dire Leclerc Norris Sainz. Je mets Verstappen hors podium parce que je pense quand même que malgré la vitesse de pointe, et vu qu'ils sont paumés dans leur réglage, ils n'arriveront pas à avoir une bonne motricité et du coup ils perdront trop de temps sur le tour. Sachant qu'il fera très très très chaud, 34 degrés. Tout. C'est pour ça que je n'ai pas mis Mercedes sur le podium. Ouais, c'est ça, pareil, avec un asphalte tout noir, chaud. Après, si la Ferrari est noire, ça va être compliqué, mais a priori elle ne le sera pas parce que pour ceux qui ont raté, les combinaisons seront noires. Mais évidemment, ne vous attendez pas à une voiture toute noire. Ferrari garde toujours du rouge sur sa monoplace. Oui, on a vu. Le tout noir attendra 2025 et l'arrivée de Lewis Hamilton. Et encore même, je crois que c'est un truc. Ouais, bon, il a encore une semi-argentée, semi-noire cette année. C'est vrai que Ferrari. Bon, je crois que Ferrari a quand même pas mal de noir dans sa livrée aussi. Globalement. C'est très harmonieux avec le rouge. Donc. Ils en ont moins maintenant parce qu'ils ont remplacé par du blanc et du jaune. Mais c'est vrai que l'an dernier, ils en avaient beaucoup. C'est ça. Ce qu'il nous dit, Franck fait une sortie sur Pérez, digne de celle de Schumacher sur Battiston. Bah, je crois que c'est à peu près le seul prono logique que je pouvais faire. Ouais, ouais, bah, c'est clair, c'est clair. La logique est... qui peut se réaliser, parce que le reste, honnêtement, c'est pif-pif, quoi. Il faudrait demander à Monsieur Poulpe, si on avait un Monsieur Poulpe à la rédaction, on n'a pas de Monsieur Poulpe à la rédaction pour ce genre de choses. Ouais, c'est cool, c'est-à-dire que la F1 est devenue géniale à suivre. Ouais, c'est, bah, c'est ça, hein. Et donc, rendez-vous dimanche. Et on envoie quand même un peu de soutien à Sim Tousso qui dit si je claque tout cet argent parce qu'il va là-bas à Monza pour voir une victoire de Pérez, je me fous en l'air. Alors non, ne fais pas ça, reviens quand même la semaine prochaine. Il y a des gens qui sont quand même allés à Indianapolis et qui ont payé à l'époque pour voir une victoire d'Ericsson. Donc, ça c'est chaud. Ah, ça veut dire que le week-end est fou, donc ça peut promettre. Je fais un petit coucou aux gens d'en face. Ouais. Ça c'est chaud, mais non, on revient la semaine prochaine, on en parlera de comment c'était. Et au pire, on organisera une séance de psychanalyse si tu as besoin, au cas où Pérez gagne et que tu puisses nous expliquer pourquoi tu regrettes d'y être allé. Mais ne te fous pas en l'air. Si Pérez gagne, on pourra dire que ce sera un 8e vainqueur différent. Ça sera super pour la saison. C'est vrai. À part pour les stats, on sera pas très content de voir Pérez. Donc, je plaisante, il y a quand même des fans de Pérez. Il y a des fans de Pérez dans le chat ? Non. Allez. Ah non, merci beaucoup. On nous apprend que non. voilà, en tout cas, bah, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, les erreurs du Grand Prix d'Italie, c'est les mêmes que d'habitude. Donc, pas ceux de ce week-end, puisque ce week-end, il y avait vendredi et samedi qui étaient décalés d'une heure en avant. Là, on retrouve les premiers essais à 13h30 le vendredi et à 17h. Puis, midi et demi et 16h le samedi et la course à 15h comme d'habitude sur les Grands Prix européens, dernier Grand Prix européen de la saison, nous le rappelons. Et bonne soirée, bonne semaine, bon week-end et à la semaine prochaine à tous et merci encore de nous avoir suivis. Ciao. Ciao, ciao, merci. Au revoir.